J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, c'est le flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, flou, Et yes. Voilà, c'était le nouveau jingle de Floodcast. Bonjour à tous et bienvenue. Mais oui, bonjour. C'est un peu la folie. Oui, c'est vrai. J'ai même pas vérifié si le son des casques était bon. C'est Roots. Ça sature un peu. C'est Roots. Écoute. C'est Roots, Bloody Roots. Bon, parce qu'on hurle aussi. Mais on hurle. C'est Cultura. C'est Cultura. Roots, Bloody Roots. Tu l'auras. C'est Cultura. C'est Cultura. C'est Cultura. Petit groupe de métal. Les amis, bienvenue. Comme à l'accoutumée. Ferme bien ta gueule, toi. Tu fermes bien ta gueule, Alex. T'as de la chance d'être de l'autre côté de la table. Calme vraiment tout de suite, tu fermes bien ta gueule. Moi je te grille dans le métier. Ah ouais, en 5 minutes, t'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es une horrible de merde. Attends, j'ai mis, t'es mort. T'es mort. C'est Felpin. Non. Comme un boulanger. Si. Non, allez, comme un boulanger. Comme un boulanger. Mais ma pauvre, tout ce que t'as dû vivre. Je sais. Oui. Alors, moi, je sais. Comparé à Natacha Campouche, par exemple, t'estimerais ta vie plus dure ou... pas loin de la même douleur, quand kiff, même. Kiff, kiff. C'est qui? J'étais séquestrée très souvent par mon père. Femme séquestrée par son père. Touche-moi la baguette. Voilà. Laura, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, Laura Felpin, 28 ans, signe astrologique, poisson, ascendant, scorpion. Ah, tu connais ton ascendant. Sacré petit caractère, hein. Oui, c'est ça. Comédienne, voilà. Où on peut te retrouver, Golden Moustache, entre Golden autres. Golden Moustache, ouais. Pas mal de doublages. Là, j'écris pas mal. Cool. Et sur scène, là, bientôt. Ah, d'accord. Sur la péniche, le résidu. Bon, le résidu. Et l'espace Georges Brassens. Les places sont évidemment gratuites. C'est au chapeau. Dans c'est le 15e arrondissement. Et c'est le mardi à 15h. Voilà. Et tous les dimanches. Le mardi à 15h, le pire horaire. Nous sommes également avec Jérémy Galland. Jonathan, tu as hurlé près de 16 fois dans ce micro depuis le début du podcast. Oui, mais parce qu'il y a un gros coussin devant et j'ai l'impression que ça amortit tous les cris, mais pas du tout. Très peu. Jérémy Galland, peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être Jérémy Galland, auteur-réalisateur, content. Avant tout content. Quelle belle bio. Où est-ce qu'on a pu aime les balades sur la plage. Où est-ce qu'on a pu te voir? Qu'est-ce qu'on a pu voir de toi? Décris-nous tout. Dis-le. Et bah écoute, avec un monsieur qui est en face de moi, on a écrit et réalisé une série qui s'appelait France Québec. Disponible également sur toujours OCS, sur OCS. Go. Est-ce que c'est... Non, je crois plus que je crois que c'est... Si, ils ont géré le truc. Non, c'est encore dispo, ouais. Je ne l'ai jamais trouvé. Ça fait un an que j'ai un fond de catalogue à côté de Beethoven 3, Beethoven 4, Beethoven 5. Non, les rebugs. Au pire, il y a Walking Dead sur OCS. Ouais, au pire. Donc voilà, au pire, tu ne trouves pas France Québec. Si jamais vous ne trouvez pas France Québec, il y a un peu des trucs moins bien, mais c'est cool quand même. Et vous avez pu me voir aussi dans Serge le Mytho, dans la voiture à côté de Jonathan. Qu'est-ce que t'es bien dedans? Voilà. Nous sommes également avec Jonathan Cohen. Merci, merci. Waouh, je ne pensais pas être accueilli comme ça. Jonathan Cohen, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors moi, c'est Joko, JC. écoute, on me connaît sous le nom de Joko. Joueur de tennis. Voilà, je suis comédien. J'ai fait un truc qui s'appelait Serge et... Enfin, qui s'appelle Serge et qui, voilà... Serge un... le Mytho. Serge le Mimite. Oui, dit le vrai titre. Et qui a fait un peu une petite notoriété sympathique sur laquelle je surfe. Et ce qui est assez cool, voilà, du coup, j'écris maintenant plein de choses. Et t'es en train actuellement de branler le micro. Ouais, et il est pas loin de venir dans ma bouche. Donc, plein de belles choses. On écrit, d'ailleurs, à cette table, on est quand même quelques-uns à écrire des projets en commun. Salut. j'ai dit salut à tonton, c'est moi tonton. Donc plein de belles choses. Plein de belles choses et comédien, t'as vu dans moult films. Dans moult films. Et cette année, on va me voir dans moult films aussi. On aura l'occasion. Peut-être pas le relire. Dis-le. Je crois que mon. Ton mec. Ouais, va travailler sur ton prochain film. C'est qui? Enfin, va être en déco sur le prochain film que tu vas faire. Mais c'est peut-être Jacques confidentiel. C'est on n'a pas le droit de le dire, je crois. Ça commence dans. 2 heures. Pas loin de quelques semaines. Non. Alors attention, si tu non, parles de ce film là, c'est intéressant pour le peut pas le dire en tout cas. Ouais, on peut pas le dire. Non, mais on peut pas le dire. Non, mais on peut pas dire. Non, mais on peut pas le dire. C'est un James Bond. Revenons plutôt sur Adrien Méniel. RSA. Non, mais on applaudissait, vous êtes des Adrien Méniel. Certainement le meilleur d'entre nous. Bah, oui. Le meilleur d'entre nous. Oui, car il vous a tous applaudi, vous n'avez pas applaudi. Et comme Alain Juppé. Qui avait une petite polaire patagonienne très mignonne. T'es de plus en plus stylé, gars. Quoi, t'es de plus en plus stylé, gars. T'es très looké, il y a un petit côté. J'ai mis un peu une polaire en ton honneur, aussi parce que j'adore la polaire, mais comme t'en portes une magnifique dans la dernière vidéo de McFly et Carlito, je me suis dit, wow. J'ai eu un nombre de messages sur cette polaire. J'ai reçu des questions. T'as eu la polaire et c'est fou. J'ai reçu des questions de gens qui voulaient savoir où tu l'as acheté. Très simplement, chez Nightclub. C'est une polaire ACG. Elle n'est pas excessivement chère pour une polaire. Je donne les prix. 110 euros. Oh. Eh ben, c'est moins cher que ça. Hein, c'est moins cher que ça. Non, elle doit être à 60 balles la tienne. Ferme ta gueule. J'en ai rien à foutre que tu sois connu, d'accord. Tu me parles bien. D'accord, tu me parles gars, très très moi bien. Moi j'étais en train de respecter. Micro, c'est une Patagonia. C'est une Patagonia. Alors, une Patagonia, tu te prends pour qui? Tu crois que ça vient de Patagonie? C'est Made in China. Comme toutes ces merdes. Jonathan. Non, mais quoi? Gainsbourg. Mais quoi, le mec pète un chien. Vous voulez quoi? Vous voulez que je brûle le billet? C'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Juste, il y a une petite tension et je ne suis pas venu les mains vides et j'aimerais qu'on fasse une petite expérience si vous êtes d'accord. Ah, avec plaisir. Voilà. Je voudrais que vous fermiez les yeux. Ok, vas-y, on le fait. Est-ce que les gens doivent le faire chez eux aussi? Oui, oui, tout le monde ferme les yeux. Vous autour de la table, les gens vont le faire. Ok. C'est de l'ASMR. C'est un peu d'ASMR, ouais. Donc là, vous êtes. Imaginez que vous êtes dans une clairière, au milieu d'une montagne. La nature est verdoyante. Bien sûr. Les oiseaux chantent. Ah, ouais, ils chantent quoi? Oh, c'est un pipo! Il y a eu un pipo! Au loin, mais vraiment au loin, vous entendez un train qui passe. Adrien, est-ce que le train a déraillé? Le train a... Non, non, mais vous savez, c'est parce que c'est avec les... c'est l'effet quand une voiture passe, ça fait. Ah, c'est vrai. Je suis obligé de déformer. Elle est, partie dans un sens, elle est revenue très très vite en arrière. Ouais, le train, il y a eu un petit à-coup. Un écureuil passe sur une branche et il fait tomber une pomme de pin. Non, l'inverse, pardon. Non, attendez, l'écureuil grimpe dans l'arbre. Il fait tomber une pomme de pin. Ça, c'est moi quand j'ai une panne. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh la vache! J'avais tout fait avec cet instrument. Oh, c'est un pipeau. Mais tu en joues, divinement bien. Je maîtrise, je m'entraîne depuis quelques mois. Mais quelle belle surprise, je m'attendais pas à ça. Tu fait pas avec le même, hein. Écoute, franchement, tu me l'aurais dit, je l'aurais pas cru. Bah, moi, je l'aurais cru un peu. Oui, bah, évidemment, on l'aurait cru. On a tout de suite dit, oh, pipo. On l'a dit à la première seconde où il a joué, on l'a vu. Ah oui? Oh, un pipo. C'est pas un pipo, c'est une flûte à coulisses. Oh, un pipo, ça n'a rien à voir. Non, mais t'as raison de le dire, parce qu'en plus, on est beaucoup écouté par les gens qui ont joué et qui me disent arrêtez de dire que c'est un pipo, c'est une flûte à coulisses. Est-ce qu'on est en direct pour un mytho? Pas du tout, c'est Jonathan, pas du tout en direct, c'est un podcast enregistré, voilà, je vais monter. Depuis la veillée. T'as eu peur. Ouais, j'ai eu peur, arrêtez de me carotte. Depuis TPMP, il est quand même assez traumatisé du direct. Je vais voir ma tête dans TPMP. T'es passé à TPMP? Alors attends, est-ce que je peux raconter cette anecdote qui a pleuré de rire? Ça, elle est géniale. Mais on l'a vu, c'est déjà passé? Je vous en supplie, Jérémy. Non, Jérémy. Joe est invité, c'était pour quel film? Pour Budapest? Ouais. Oui, c'est très récemment. Et c'était à l'époque où vraiment toutes les émissions de Canal étaient rachetées par TMC. Burger Quiz, tout ça. Et donc, il faut savoir que C8, donc TPMP, c'est le groupe Canal, quoi. Bien sûr. Et à un moment, ça parle des guignols et il y a Joe qui fait ouais, bah de toute façon, ça va se retrouver sur TMC comme tout le reste. Et qui a vraiment mis un et blanc. Et tu vois tout de suite qu'au moment où il dit la phrase, il y a un gros plan sur sa tête à Joe et il comprend très vite qu'il a une boulette. Et il y a un malaise. Et après, il y a eu plein de dépêches. La blague pas drôle de Jonathan Cohen. Énorme malaise. Énorme malaise au TPMP. Il est en train d'essayer de chercher. Ça, c'est la photo. Juste la photo. Castelli qui est très heureux. Et ben vraiment. Je vais vous lire le titre. C'est sur téléloisirs.fr. Gros malaise sur le plateau de la télé, même l'été, TPMP, après une blague ratée de l'acteur Jonathan Cohen. C'est incroyable. Elle est très bien, cette blague. Ah ouais, elle n'est pas ratée, elle a juste créé un malaise. L'acteur Jonathan Cohen a tenté vainement de détendre l'atmosphère par un trait d'humour totalement tombé à l'eau. On peut savoir qui est l'auteur de cet article? Non, j'ai pas. Ouais, bah, c'est moi. On est en embrouille. Jeremy Gallant. C'est ça. Et voilà. Et juste, bon, là, c'est pas très auditif ce que je vais vous faire, mais c'est ce visage qui me tue de rire. La coupe est aussi folle. Mais la coupe est incroyable. La coupe est sur 3 étages. C'est possible de regretter une coupe d'il y a 2-3 mois, en fait. Non, parce quand que... on regarde ces photos. Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais attendez, vous ne trouvez pas que j'ai un peu massif par rapport à la photo? T'as carrément massif, j'attends. C'est pour un rôle. J'allais te le dire en arrivant, depuis la dernière fois que je t'ai vu, t'es vraiment beaucoup plus maigre. Bonjour, comment t'étais une merde la dernière fois? Jamais, mais. C'est ça. Ouais, c'est très, très gros. On va faire un petit tour de table. Je vous avais demandé par texto, je ne sais pas si vous y avez pensé, à proposer un truc culturel que vous avez aimé récemment. Théâtre, télé, cinéma, pièces de monnaie, tout ce que vous voulez. Okay. J'ai envie de commencer par... Moi, tu me permets de faire une parenthèse? Je t'en supplie. Je te trouve très doué. Oh, ah, c'est gentil, j'attends. C'est vrai qu'il y a pas mal de talent. Chez RTL, il y a des places qui se libèrent. Non, mais tu vois, j'ai un truc, je te trouve très doué au micro. Ah, c'est gentil. Mais vraiment, tu es fait pour ça. Ah, c'est gentil. Et comme tonton Janglot, il est fait aussi pour ça. Vous êtes fait pour ça, les gars. Bah, écoute, pas du tout la carrière à laquelle on se destine. Donc non, ça, c'est... non, oubliez tout le reste. Mais non, mais c'est impressionnant. Arrête, comme c'est vrai. Naturel. Moi, je pourrais pas être aussi naturel. Ah, ouais, si super. Tu rigoles. Tout le monde est super. Plaisante ou quoi? Je suis naturel pour dire de la merde. Mais non, mais t'es un mytho. Il nous raconte un mytho. Oh, mytho. Non, tu me remets pas ça sur le tapis. Nous sommes donc avec Jérémy. Jérémy, ouais, attends, non, laisse-moi réfléchir. Ah d'accord, bah, Laura, est-ce que tu as apprécié quelque chose culturellement parlant récemment que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Alors j'ai relu un livre, un roman. C'est chiant. Elle est tellement chiante qu'on endormirait. Alors j'ai une première petite recommandation culturelle, si on peut appeler ça comme ça. C'est super. Je vous invite à aller sur la plateforme YouTube et à taper dans la barre de recherche Céline Dion plus Boule plus Star Academy. D'accord. Vous allez trouver une vidéo qui n'est pas connue du tout. Ou pourtant, Céline Dion livre, je dis bien 15 à 20 minutes d'improvisation de chant sur le plateau sur lequel est présent d'ailleurs Maître Moya, dont tout le monde se rappelle. Maître Moya et Nikos il y a 20 ans. Oui, Nikos. C'était pour déterminer qui étaient les finalistes, tu sais, de la Star Academy. Mais c'était quelle saison? Bah, c'était pété, c'était la saison de Quentin Mosiman. D'accord, bien sûr. Et donc, en fait, elle doit, si tu veux, tirer les boules dans laquelle il y a les noms des finalistes. Je me demandais pourquoi elle va, boule. Elle va créer les deux finales. Je pensais qu'il y avait la boule de Boyard qui était présente. Qu'est-ce qu'il fait là? Et elle doit donner ces boules-là à Maître Moya, tu vois. D'accord. Sauf qu'elle va vraiment commencer à faire... Et ça va vraiment durer, je pense, 20 minutes par boule, quoi. Ah, d'accord. Et ils sont tous archi gênés. Vraiment, bah oui, allez voir cette vidéo, elle est incroyable. Je l'ai vu, elle est folle. Je parlerai pas du livre que j'ai lu. Mais si, parce qu'au final... Qu'elle nous envolait encore. Au final, on repart avec une anecdote croustillante, mais pas avec le livre. Moi, j'adore, je vais voir Céline Dion, mais j'ai envie de savoir le livre. On charrie, mais c'est par pur sexisme. N'inquiète pas. Il n'y a pas de galère, non, t'inquiète pas. C'est parce que t'es une femme, tout simplement. Tout simplement. Non. C'est une auteure et illustratrice qui s'appelle Rose Chast. D'accord. Qui a été élevée à Brooklyn, qui a vécu toute sa vie à Brooklyn. Et elle a écrit un roman, enfin non, pas une BD, comment on appelle ça, un roman... Roman graphique, une BD. Autobiographique, où elle parle de ses parents, ses parents les ont eu. Très vieux, d'accord, ça a pitché mieux. Donc c'est des gens très très vieux qui veulent pas parler de la mort et de ce qu'ils désirent éventuellement tu vois, quand ils vont vieillir. D'accord. Donc en fait c'est tout un roman graphique là-dessus, sur comment elle va faire pour s'immiscer dans la vie de ses parents, pour, si tu veux, les aider à partir quand ils vont partir. D'accord. Et c'est vraiment très drôle. D'accord. C'est, je sais, comme ça, que ça n'a pas l'air drôle du tout. Comment ça s'appelle? Oui. Ça s'appelle Est-ce qu'on pourrait parler de quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Et en anglais ça se dit Can we talk about something more pleasant? Ah, parce que moi je l'ai vu en anglais. C'est un super accent. Et c'est sorti en français. C'est sorti en français. Voilà, je le trouve bien en anglais. Si vous comprenez un peu l'anglais, vaut mieux le lire en anglais. J'adore l'anglais. C'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Et non, que j'ai beaucoup appris. Et voilà. Mais c'est d'ailleurs, super. Joe a vécu à New York et il a une petite anecdote. Vous que je raconte? Vous avez une heure et demie. Il y a vraiment. Elle est sur YouTube, n'hésitez pas à la regarder. Vous allez vous régaler. Maintenant, elle est sur C8. Eh oui. Jérémy, Attends, j'ai un truc. Parce que tu parlais de la Star Academy, ouais. Et justement, j'en ai parlé avec les deux larrons, Jonathan et Jérémy. Ah, on a rematé des vidéos de Georges Alain. Quel génie. Et le Last Ketchup de Georges Alain. Tu sais que je fais un petit rappel le mois dernier en disant qu'il fallait pas oublier qu'il soit en vie. Je l'adore. Georges Alain Jones. Ouais. Jean-Alain Jones. Jean-Alain Jones. Introuvable sur Instagram, je tiens à le dire, parce que j'aurais vraiment rentré en contact avec quand on s'embrasse. Non, il disait Diego libre dans sa tête. Tu vas chanter comme ça. Il avait dit derrière les barres. Seven seconds away. Sa chanson originale, c'était ça, c'était Embrasse. Vas-y, mets la langue. C'est la bouche qui commande. Fais ta dédicace. C'est un génie, gars. George Alain Jones. Non, en fait, c'était des saisons de ouf avec George Alain. Non, mais George Alain, il en mettait plein couilles dans la gueule à Nolwenn. C'était un truc de ouf. Non, il détestait Nolwenn. Et surtout, il a chanté avec les plus grandes. Il a fait un duo quand même avec Mariah Carey. C'est vrai. Le mec a fait le plus grand duo. Ils l'ont mis avec les plus grandes chanteuses à voix. Le mec a le moins de voix au monde. Ah, tellement. C'est les pires duos. C'est le nouveau Gainsbourg. Et vraiment, tous les plans de coupe sur Mariah Carey dans leur duo, et genre, oh merde, c'est terrible. Non, mais elle essaye de l'aider, elle est comme ça. En fait, vu qu'ils font la queue, personne les gars de la Starac. Vu que les gars de la Starac font la queue. Il avait tellement de tâches de rousseur, putain. Ils font la queue pour passer chacun l'un après l'autre pour faire une phrase. Et vraiment, quand c'est à lui, vraiment, tu le vois arriver, tu sais, c'est le couloir de la mort, quoi. C'est bon, plus que trois, plus que deux, plus que un. C'est à Georges Alain. Il parlait vraiment comme ça. Salut, c'est Georges Alain. Bon, bah ouais. Capoino, Kerico. Ah non, c'était pas cette année. Si, c'est les Last Ketchup. Si, il a fait ça. Kerico, Capello, Capello. Non, Paris Latino. Si, il a fait Paris Latino aussi. Non, mais Paris Latino, c'était la chanson de tout le monde. Oui, c'était avec Houssine et. Juste un verre de Cuba Libre. Token Acme. Back to me. Juste un verre de Cuba Libre. Acme and. Acme. Yes. Allez. Don't stop, my girl. Comme ça. Ah ouais, les meufs, elles étaient sur c'est Josephine Joy dans son miroir. Dans sa miroir. Le reflet du miroir. Ouais, donc c'est pas arrivé direct from Mexico. On fait revivre la fureur, ça me rend heureux. Jonathan. On est en prime, hein. On est en prime, les gars. On n'a rien révisé. Le prime, c'est demain. Putain. Alors moi j'ai vu un truc sur Netflix que j'ai adoré, j'ai oublié le titre. Non, je vais vous dire le truc, ça s'appelle. Trouve le titre le plus adapté à l'histoire possible. Quelqu'un à Netflix la petite. Mais dis de quoi ça parle, on va trouver. Ok, c'est un couple qui essaye d'avoir un enfant par FIV. Comment c'est pas. Pas personne que le sujet est vraiment plombant. Non, en fait c'est FIV. FIV le Far West. FIV le Far West. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Sur les FIV, c'est génial. Mais en fait, sur les FIV. C'est la seule. FIV le Far West. Jackson FIV. Non, c'est FIV de Pierre Niney. Jackson. J'avais la fin, j'ai pas fait. C'est ma main et celle de tonton. Quelque part, t'as l'audace. Pourquoi ton nouveau nom de bien, tonton. Tonton Sniper. Tonton Miguel. Ils essaient d'avoir des. Ah, mais si, c'est Friends from College. Non, pas du tout. Okay, et en fait, qui a l'appli, j'en supplie. C'est bon, avec le gars de Sideways qu'on adore. Paul Giamatti. L'italien. Et j'ai adoré ce. C'est vraiment film indépendant. Ah, c'est un film. Ouais, ah, c'est un unitaire Netflix et c'est deux heures. C'est un vrai film. Attends. Et franchement, ça change parce qu'ils sont souvent mauvais. Hein, et comment il s'appelle Je te le dis, vraiment ça change parce que là, il y a une quali dans tout, dans la réal. Paul Giamatti. Il y a une quali dans la réal. C'est exactement ce qu'on rêve de faire. Tu vois le ton dont on parle à chaque fois. Exactement, Private Life. Et du coup, c'est un ton qu'on rêverait d'écrire, en fait. Oui, donc c'est rigolo, mais aussi très touchant. C'est drôle, over touchant, ça déchire le cœur. C'est doux amer. C'est doux amer, mais j'ai envie de te dire, même aigre doux. pour les aficionados. Mais c'est un ton qu'on adore, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, t'as un vrai propos. Bah, Paul Giamatti, déjà. Mais il est incroyable. Il ne fait rien en tant qu'acteur. C'est fascinant à voir quand t'es acteur, un gars qui respire à ce point-là. Qui joue comme ça. Un gars qui respire. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de films. Il y a des mecs qui respirent. Mais lui, il respire, gars. Ça se voit pas qu'il respire. On dit, mais il respire pas. Ses poumons ne bougent absolument pas pendant tout le film. C'est le mec qui joue le mieux les morts. C'est comme ça, c'est sa carrière comme ça en tant que mort dans les trucs genre Cold Case. Il est vraiment mort. Non. Oh mon dieu, mais pas me prendre des mannequins. C'est incroyable. Il est très très très fort. Jérémy, ça y est, petit tour. Oui, petit tour et petite promo pour un pote. Non, il y a les. En ce moment, au Palace, il y a les feux de l'amour et du hasard. Ah. Et oui, oh, qui est, jeu qui de mots, est, des jeux, jeu de mots, effectivement, c'est les jeux de l'amour et du hasard de Marivaux, voilà. Bien sûr, je connais. Qui ont été repoussés par le collectif La Bouée, qui est un peu un collectif qui mélange Hélène Hernadette et d'autres comédiens. Et ils font les Feux de l'amour et du hasard, qui est musclé. Qui est en fait qui est les jeux de l'amour et du hasard, mais version les Feux de l'amour, donc en version soap opéra. Et c'est, franchement, c'est vraiment très cool, c'est très sympa, c'est vraiment un beau produit et c'est marrant. C'est et drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est plutôt comédie. C'est vraiment un bon produit qu'on a pas mal vendu l'année dernière. Et c'est bien packagé. Non, mais c'est vraiment, voilà, ça joue bien, tu rigoles. C'est impeccable, c'est propre. C'est carré. Ça, tu le fixes, ça bouge pas. Non, mais tu redécouvres un classique en plus, donc c'est toujours sympa de redécouvrir. Ils suivent le texte ou. Oui, ils suivent assez le texte. D'accord. C'est du Marivaux. C'est vraiment une adaptation en fait. Mais il y a un peu, il y a un petit. C'est le texte de Marivaux, mais joué. Le Marivaux, ça se prête vraiment au soap opéra. Ah ouais. Le scénar, il est vraiment. C'est du marivaudage, comme on dit d'ailleurs. Oh. Ça sort de là. C'est sérieux. Mais vous ne croyez pas. Ça vient pas de Voltaire à la base. Non, rien à voir. On a appelé le Voltaire. Voltaire, c'est très différent. Ouais. Rien à voir. On a petit big up au poteau Romain Vissol. Romain Vissol. Ah bah oui. Que vous avez pu voir où, ami auditeur. Romain Vissol, on a pu le voir dans Ma pire angoisse. Exactement. Irresponsable. Irresponsable. C'est un peu les mêmes familles. Alors pour ça, je le dis. Comme ça, les gens peuvent visualiser. Non, c'est vraiment. Et bien, qui a fait aussi la musique de France Québec. Yes. Wow. Oh là là, il est mythique. C'est un ami de longue date. Il a fait irresponsable aussi. Ce milieu, pour moi, c'est un village, rien de plus. Donc, allez voir ce théâtre au théâtre du Palace. Théâtre du Palace, et c'est vraiment, vraiment bien. C'est tous les lundis, tous les mardis. Mais c'est plusieurs villages même, mais de la même commune. Ouais, frontalier. Je voudrais juste dire que je t'ai vu, Jérémy, dans un court métrage. Auguste. Et tu étais vraiment excellent. Oh, merci. Franchement, je t'avais jamais vu jouer. Mais je ne l'ai pas vu, moi. Il est super. Tu dis trois phrases, mais alors, je peux te dire juste une chose. Cet acteur, quand il respire, on dirait que tu respires pas. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il respire pas. Je suis vachement inspiré du travail de. Je sais pas si vous connaissez Paul Giamatti. Il respire pas. Non, c'est vrai. Vraiment top. Écoute, merci. Super. Vraiment. Après, tu peux me rebalancer un truc. Ah ouais. Non, mais j'ai un peu fait ce tournage dans la douleur parce que vraiment, comme c'est pas mon métier du tout. Ah bah franchement, ça se voit pas. Ouais. Mais je suis content, ouais, je suis content du résultat. C'est top. Sniper. Bon bah écoutez, mais c'est pas visible sur internet. C'est Non, pas encore parce qu'il fait encore, il fait la tournée des festivals encore. Oh, joli. Il fait la tournée des festoches. Des festoches. On a failli gagner l'Alpe d'Huez. C'est failli. Apparemment, c'était nous, mais politiquement, ils ne pouvaient pas vous le donner. Comme le groupe. À La Rochelle. On a failli gagner. On voulait que ce soit vous, mais on n'a pas été sélectionné en fait. Le réalisateur te voulait toi. Hein. C'est vrai. Le réalisateur te voulait toi, mais en fait la chaîne a préféré. Oui, on la connaît par cœur cette histoire. Incroyable. Voilà, c'était ma. Voilà. Bah, Adrien Méniel, qu'est-ce que t'as vu? Alors moi, une fois n'est pas coutume, je vais recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Cyprien. C'est très connu. Ça commence pareil. Il y a une petite aide. Cyprien. Et ça commence pareil, ça s'appelle, alors le nom, parce que c'est un jeu de mots mais qui ne marche pas à l'oral, ça s'appelle cinéma mais avec un S au début. Comme parce que quoi? C'est comme science. Oh, oh my god. La musique dans la podcast à l'émission Bobo. Adrien, En fait, je l'ai découvert parce que je faisais partie du jury du festival Frames. Oh, et il y avait un concours de la maison. J'ai suivi ça sur ta story. Et tu fais des stories un peu? Un petit, ça m'arrive. et il faisait partie. Il a d'ailleurs été récompensé au Frames. Et en fait, il parle de cinéma, mais de la façon dont la science est utilisée pour faire du cinéma. Par exemple, il y a un épisode sur l'eau au cinéma, ouais. Genre les tournages sur l'eau et tout. Alors, il commence en parlant de... Waterworld ? Non, de Les Dents de la Mer, en disant que là, Steven Spielberg, il n'avait pas voulu tourner dans un bassin. Il a dit non, on tourne vraiment en mer. Donc, il parle de tous les problèmes que ça implique, c'est-à-dire, en fait, tu fais ton cadre et le temps que tout le monde soit prêt, tout a bougé parce que t'es sur l'eau et c'est la merde, etc. Un des pires tournages, je fais une mini parenthèse. Tu rigoles ou quoi? Vas-y. il y a un bouquin qui s'appelle The Jaws Log, je crois. Ouais. Et ouais. ça raconte. En fait, la c'est un gars. La bûche des dents. Voilà. Et en fait, c'est le dernier scénariste qui a été engagé sur le bord de la mer qui réécrivait le film au jour le jour par rapport à l'enfer qui a été ce tournage. Voilà. Et en fait, c'est depuis ce tournage où Spielberg ne tourne jamais la dernière journée de tournage de ses films parce qu'il a peur qu'on le balance à l'eau. Parce qu'il s'est dit à la fin de la mer, je vais me faire balancer à l'eau, tout le monde me déteste. Oui, c'est son deuxième film. Mais est-ce que c'est pas dans ce film qu'ils se sont rendus compte des années après que l'endroit où ils ont tourné était en fait infesté de vrais requins? Non, pas sur, c'est pas celui-là. J'ai déjà entendu cette information est donc c'est fausse. Ouais. T'es encore fait avoir par le web, toi. Je me suis fait avoir par la toile. Gare aux fake news. Donc termine, excuse-moi. Et il explique que depuis, il y a vachement de technologies qui sont utilisées, notamment de faire de l'eau en image de synthèse, etc. Il explique. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Il a un ton qui est vraiment... sarcastique. Bah, en fait, l'humour est vachement bien dosé. C'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est pas... J'essaye de faire une blague à chaque fois, ce qui est pas assez lourd. Pas wow. C'est gratos. Non, mais ça va pas ou quoi? Calmez-vous. Réagis pas. Tu te crois pour le nombril du monde alors que t'en es que le trou du cul? C'est bien mieux dit. Ça, c'est une punchline. Si Jean Gabin. Bien joué. C'est vrai. Donc voilà, cinéma avec un S au début, c'est très très intéressant. C'est français donc. C'est français. Ok. Et c'est très bien. Je vous invite à aller. Parce que t'avais recommandé aussi une chaîne. Alors je sais pas si c'est ici, mais tu l'avais recommandé sur une de tes stories. Simone. Simone Yetch. Ça ne s'écrit pas comme ça. Celle qui fabrique des robots. Des robots pourris qui sont trop marrants. Voilà. Ah oui, j'ai suivi son histoire. Elle a eu une tumeur au cerveau. Elle va bien d'ailleurs là, je crois. Mais je pense que dans un an, on dira en fait c'était un robot. Elle a été remplacée par un robot. Oh là là, mais c'est pas vrai. Pour moi, c'est Black Mirror. Ça peut être vrai. Ah mais c'est ça, c'est un épisode de Black Mirror. C'est clair. Macron, c'est Black Mirror pour moi, c'est pas compliqué. Et si je te dis Trump, c'est Black Mirror. Alors c'est Black Mirror. La dernière saison là. Non mais la dernière fois. Que j'étais aux chiottes et j'ai allumé Instagram. C'est Black Mirror. Il y a un épisode où c'est exactement ça. C'est vraiment ça le pitch de l'épisode. Quoi. Après, ça part dans des délires, mais c'est la base, c'est ça. T'es fait contrôler en fait. Là, le podcast, c'est Black Mirror. Ah, c'est Black Mirror. Ce sera le titre peut-être de l'épisode. C'est Black Mirror. Pour moi, c'est Black Mirror. Bon les amis, j'ai pas fait Marocco moi, merde. Je peux vous faire une non-roco. Oh, bien. Une non-roco. Ah ouais, grave. J'ai vu. Ah j'en ai une aussi. Vas-y. C'est pas très bienveillant, mais juste, j'ai vu un film qui vraiment m'a fait du mal. J'ai vu The House That Jack Built de Lars von Trier. Ah ouais, de Lars von Trier. Alors c'est nul. Non, c'est pas nul. Ah, c'est pas nul du tout. Franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui vont kiffer. C'est un poil violent pour moi. Je n'irai pas alors. Hein. Au Darfour. Il me semble que tu es quand même. Pour moi, le Darfour, c'est de la pisse à côté. Je vous le dis. En fait, je vais vous décrire juste une scène. Vous me dites à quel moment vous trouvez. Bon, c'est peut-être un peu trop. Je vais spoiler une scène. C'est trop. Je vais spoiler une scène de The House of Jack Bult. Donc, vous revenez nous joindre dans 3 minutes si jamais vous trouvez que. Le mot redire avec son accent. Le prétérit de Bould. The House of Jack Bould. Donc The House of Jack Black. Le héros est un tueur et en fait, à un moment, il chasse une famille avec une mère et deux enfants. On va essayer de le tenir. Okay. Est-ce que je peux. Oui, on va essayer de le tenir. Okay. Donc il y a. D'autres instruments pour nous? Non, désolé. Bah, il a une trompette dans un sac à dos, mais c'est toujours une galère. Donc il y a un tueur, il est avec deux enfants et une femme, et en fait, c'est une famille recomposée. Il est amoureux. Enfin, on croit au début qu'il est amoureux de la mère de ses deux enfants. Jusque là tout va bien. un peu forcé mais ok. Ouais. Trop de et en fait c'est... en fait depuis le début du film, le film dure 2h30, ça je voulais vous le dire aussi. J'ai bien aimé le oh bah oui. Et il allume son fusil, rien du tout, il arme son fusil et commence par flinguer un premier enfant dans le genou. Genre. Donc l'enfant court pour fuir et il lui tire une balle dans le genou. Ça c'est une des premières scènes. Pourquoi c'est au bout d'une heure parce qu'il aime tuer. Il adore tuer. Ah d'accord. C'est un tueur. Ouais, un tueur. Qui est l'acteur principal? Matt Dillon. L'enfant qui court. Ma jambe. Oh bah elle est tombée par terre. Ah bah, je serai moins bien. C'est une vieille. Et t'as deux filles qui fait oui bah alors. Et donc l'enfant tombe au sol. À ce moment-là, ça y est, c'est insupportable. Et à ce moment-là, il retire 3 balles dans le dos de l'enfant qui est au sol. Yes. En fait, c'est génial. La mère est un peu touchée par le décès de l'enfant. Un peu. Donc, elle court le voir, genre oh c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un deuxième enfant qui du coup lève la tête pour voir où va sa mère. Là, Matt Dillon tire une balle dans la tête de l'enfant, du deuxième enfant. Mais c'est terrible, c'est quoi cette histoire? Et sachez que ce n'est pas un plan où c'est genre, il vise l'enfant et le pan est sur Matt Dillon en termes de plan. Genre tu vois l'enfant. Genre tu vois un enfant se prendre la grosse balle, ce machin, et avoir un jet de sang et tomber au sol. Donc ouais, il décède lui aussi. Il dit... Ce qui me semble plutôt logique, hein, par contre. Ouais, c'est la musique, c'est la nouvelle marche funéraire. On était sur un autre. Non, ce qui est fou, c'est que t'as pas vu le film, mais c'est exactement le son qu'il y a dans le sac. C'est la BO du film. Et donc le deuxième enfant a une balle à la tête. Donc là, la mère, elle est un peu désemparée. Elle dit bon, bah, non, mais désemparée. Jamais 203. Mon enfant. Qui manquera plus que cadet. Il va beaucoup moins marcher. Mon cadet, mon Benjamin. Oui, la mère est jouée par Bourville. Et c'est là où tu dis jamais 203 et va tuer la mère. Eh bien non. Avant ça, il la force à faire un pique-nique avec ses deux enfants morts et lui. C'est quoi ce scénario? Les enfants sont posés de chaque côté de la mère. On dirait un film étudiant, le mec a essayé de le plus choquant possible. C'est que le gars a eu le CNC, hein, clairement. Moi, je valide ça, c'est des films, pour moi, c'est des œuvres d'art. Et donc, bref, il la force, machin. Là, il y a un plan de une minute. Eh ben non, mais j'y viens. Ah, d'accord. Il force la mère à donner la béquée à l'enfant mort qui s'est pris la balle. Donner la béquée. Ouais, donc, en gros, elle met la cuillère dans un pot de je sais plus quoi et il force la cuillère dans la bouche d'un enfant qui est donc décédé et qui s'est pris une balle dans la tête. C'est avec la voix de Matt Dillon, gars. Ça doit être n'importe quoi. Hé, tu parles. Non, je limite pas. Quoi? Je limite pas. Adrien, tu l'as fait comment, toi? Tu m'as dit manger. C'est bon ça. Elle est bonne la béquée. Et donc Boris béquée, moi j'aime. Boris, bien sûr. Bah, évidemment. Allez, donc terminus. À ce moment-là. Parce que c'est pas fini. Vous me dites quand c'est le moment où. Non, pour le moment ça commence à être dissipé. Je trouve ça ridicule, moi personnellement. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'à la fin il y a le bêtisier où tu vois que c'est du cinéma pendant le générique. Voilà, il se marre bien. Il y a clavier, il y a Depardieu, c'est très bien. Et donc il y a Jean-Marie Poiret qui se rajoute en disant en bon gérant. Oh bah Gérard, pardon, c'est une private joke, mais si vous regardez le bêtisier des anges gardiens, Jean-Marie Poiret a rajouté sa voix sur les fous rires des acteurs principaux. Génial. Et ça n'a aucun sens. Donc t'as Clavier Depardieu qui se marre et t'entends Gérard. Oh bah Gérard, arrête Gérard, enfin. On va jamais pouvoir la faire cette prise. C'est sur les anges gardiens. Ça. Les anges gardiens, exactement. Bu, acceptes-tu? Bu, c'est sympa. C'est ça. C'est le fou rire est sur Bu. Je suis avec le père Pain. Non, Tarin, pas Pain. Tarin comme Pain, c'était un exemple. Voilà. Oh des répliques de dans le gardien. Quelle machine à répliquer. C'est un puits, hein. C'est un puits de savoir. C'est un puits de savoir. Et j'en reviens aux enfants morts. Vas-y, reviens aux enfants morts. Donc, il donne la béquée. À la béquée, ouais, voilà. Ouais. Après, il assassine la mère parce qu'il fallait bien y arriver. Oui. Comment? Et eux, de fusil, ils tirent des balles dans elle. Yes. D'abord, ils tirent dans les jambes, ensuite elle se traîne. Pas super original. Hein. Ouais, non. Non, mais il y a une autre scène où il coupe au couteau un sein d'une meuf, donc tout va bien. Couteau de pique-nique en plastique en plus. Oui, donc, en plus, pas écolo du tout, le gars. Ça se retrouve dans les zéro déchet, je crois pas. C'est dégueulasse. Et donc, du coup, derrière, il raconte, parce qu'il y a toute une voix off, parce qu'en fait, tout le long, il a une voix off qui dit oh là là, je suis un être humain un petit peu, je suis pas bien. Oui. Mais il précise au cas où. Je fais des rêves chelous. Et en fait, il dit ouais, il y a un des deux enfants, il met pas trop la chasse, ça m'a un peu agacé. Et du coup, il empaille l'enfant et il le force à sourire. Et du coup, il y a un enfant tout le long du film derrière, empaillé, que non, tu as vu se faire assassiner. Ouais, quelle est l'histoire pas aller de ce truc? C'est quoi? On dirait qu'un mec a voulu être le plus choquant possible. C'est grotesque. Le gars, il est en train de dire. Alors. Quand même, il y a des jolies scènes en termes de plans et tout. Ouais, non, mais ça va, c'est bon. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il fait des jolis films, là, tu vois, en termes d'images. Tout le monde fait des belles images maintenant. Oui, maintenant tout le monde a des 5D. Dans des 5D maintenant. Avec mon iPhone, je jure que je fais des trucs magnifiques. Oui. Et pas besoin de puter du monde. Non, mais ça m'énerve, tu sais, le côté. Ah, c'est quand même des belles images. Bah, mais bon, tu fais un film, c'est pas que ça. Et je peux voir la critique de Télérama. Putain, ça me fout. C'est quoi la critique de Télérama? Allez voir. Toujours mieux que Groom. Restera toujours mieux que Groom. Ce sera ça toujours. Il y a un autre film qui est pas terrible. J'espère que vous n'avez pas écrit, que vous avez pas écrit dedans. Ah mais non, mais on dit pas du français. Là, ça devient méchant. Ok, je dis rien. Non là, moi. Mais vous venez. J'ai une maladie, c'est que moi je chie sur des gens. Après, je deviens pote avec eux et je regrette. Donc j'arrête de chier sur des gens. You come from Middle East. You come. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on croit que c'est une blague totalement raciste? Évidemment. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous raconter de cette blague de rencontre avec Jonathan Rhys Meyers? Mais avec non, c'est Rhys Meyers. Avec c'est Jonathan Rhys Meyers. Il joue dans quoi, Jonathan Rhys Meyers? Bah, les Tudors. Ouais, et Match Point de Woody Allen. Tuches. Et Match Point. La tuche. La tuche. You come from Middle East. Bien sûr, je vais vous la raconter avec un grand plaisir cette histoire parce que c'est un de mes bests. J'espère que c'est pas du mytho, que c'est vrai. Hein. Ah, bah écoutez. À un moment donné, il faudra arrêter avec ça. Hein. Parce que ça me rend un marteau. Comme un vrai marteau ou tu m'étonnes? Poussé à bout. Non, alors, ça s'est passé à un festival de Cinoche. C'était quoi le festival? C'était le Cabourg. Cannes, pardon. Oui, c'était fait. avec le tapis, là. Il y a tout le monde. Oui, voilà, la Palme d'Or. Oui, la Cannes. Et non, c'était à Cabourg, beaucoup moins ce que-là. Mais festival du film de comédie romantique. Et j'accompagne... Très précis. C'est vraiment très précis. Oui, c'est très précis. Le festival des films où on tue des gamins et on les empaille. Alors, vous serez surpris, il a eu la Palme là-bas. Lars von Trier, je vous jure. Évidemment. Devant les tuches. Je suis à ce festival. J'accompagne quelqu'un. Je ne dirai pas le nom. Mon ex. Et du coup, voilà, on est là. Il y a une soirée. Et il y a Jonathan Rhys Meyers qui est invité au festival. Et le mec arrête. Il me dévisage. Mais vraiment, il me dévisage. Et je suis là à me dire, OK, il croit certainement qu'il y a une petite ouverture. Mais ouais, non. Pas du tout. Et il est là et il me regarde intensément. Et il fait les... Dommage que vous ne me voyez pas. Il fait pas des petits moments, des petits acquiescements de tête. Des petits acquiescements, ouais. Il fait... C'est un peu De Niro, là. Et il arrive vers moi et il fait comme ça, il fait... You come from Middle East. Tu viens du Moyen-Orient, en français. Et j'ai fait, ah non, non. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de hello. C'était tellement plus stylé en anglais. Ah non, il n'y a, ouais, a même pas de hello. Il y a vraiment directement. Genre, en essayant de trouver un copain, quoi. Genre, il m'avait grillé, quoi. You come from Middle East. Je fais, ah non, pas du tout. Non, I come from France. I'm French. Oh, I've got a Riyadh in Morocco. Mais j'ai un Riyadh à Marrakech. Je fais, oh, cool. Khadi, Kham Khali, go help. Ok, parle pas arabe. Don't speak non, arabe. Non, c'est pas vrai, il me parle comme ça. Don't speak arabic. Salam alaikum. Alaykoum salam. Et il s'est barré. Et est-ce que tu l'as dit alaykoum salam ou sur le départ? Évidemment. Alaykoum salam. Salam alaykoum salam. Et il est parti, ken une pote. Il a un Riyadh à Marrakech. Il était sûr. J'étais son pote. Mais même si c'était le cas, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, bah écoute, oui. J'étais son pote saoud. Je fais non, I'm from French. Got a Riyadh in Morocco. Super. Cool, mec. Voilà ma petite anecdote. Wow. Elle était belle. Pas piqué des hantes. Hein. Putain, c'est ouf. Pas piqué des hantes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver un peu l'étymologie, le sens de pas piquer des hantons? On va faire ça chaque semaine. On cherche un peu des origines d'expression. D'ailleurs, j'ai ma petite chronique chez Ruquier tous les jeudis. Viens, je fais alors. Ah bah c'est quand même extraordinaire. C'est quoi? Il y a Laurent Ruquier autour de la table. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, je me trompe. C'est fou, il y a Laurent Ruquier autour de la table. C'est incroyable. J'arrive à me transformer dans les gens que j'imite. Ok. Qui vous voulez? Ok. Josiane Balasco. Oh, Jean-Yves, j'en ai plein le dos. Oh là là. J'ai imité une vraie autre Josiane Balasco, qui n'est pas actrice, et qui est une vieille dame, tout simplement. Il n'y a aucun film où elle dit ça, surtout. Jean-Yves, aucun film, aucun personnage. Au début, j'ai écrit, il y a vraiment un sketch où il y a un vrai Jean-Yves, et quand il dit j'en ai plein de dos. On a vu la panique dans ton regard au milieu de l'imitation. La même qu'à TPMP. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Jean-Yves, merde! C'est le C'est une cataille. Les amis, j'ai une question à vous poser. C'est des questions qu'on nous pose souvent quand on a des gens du spectacle. Et en plus, là, on a oui, quand même... Oui, je suis gay. Non. Ah merde, c'est pas ça, Jérémy. C'était pas du tout la question. Mais c'est cool. Mais tu veux apprendre, c'est cool. C'est un super coming out. Ouais, tu l'as fait. Il est stylé, il était frais, il était spontané. J'avais choisi ton podcast pour le... Ouais, c'est cool. Bah, c'est bon, c'est dit. Oh là, ça tape ou quoi? C'est un esprit. Un esprit, là? Ouais. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit. Attends, c'est peut-être l'esprit de quelqu'un de connu et on pourra avoir sa voix. Attendez, ouais, non. Jean-Jacques Jones? Attends, on va lui poser des. Mais. Est-ce que. Oh, est-ce ça il est bourré, en tout cas, il est bourré. Est-ce que, attendez, c'est un fantôme bourré. Est-ce que vous êtes quoi, Yves fantôme. Montand? Eh oui. Attendez. C'est un esprit qui est un peu timide, mais j'ai l'impression que c'est l'esprit d'Yves, c'est l'esprit d'Yves Montand. Je crois que c'est même Yves Montand timide. Oui. Il ose pas parler dans le micro, l'esprit. Papé. Il arrête pas de dire papé. Il dit papé, justement. Il ne dit que papé. Attends, mais je voulais parler. Monsieur Yves Montand. Monsieur Montand. Oui. Si. Est-ce que votre ami Aznavour vous a retrouvé? Oui. Alors, moi j'ai une question. Alors, c'est pour être sûr si c'est bien Yves Montand. Apparemment, il tourne en voiture et il parle que quand il passe devant le micro. Donc ça, oui. Justement, c'était un peu ma question. C'est pour être sûr que vous êtes Yves Montand. Hein. Ok. Oui. Les voisins. Quel serait votre moyen de locomotion préféré, par exemple? Alors, j'ai pas très bien compris. Attendez. Je repose la question. Quel est votre peut-être un deux roues, je pensais. Ouais. Quel est votre moyen de locomotion préféré? Bicyclette. Ah, c'est bien Yves Montand. C'est bien lui. On l'a eu. J'ai eu peur, mais c'est la première fois qu'on a un esprit. Ouais, dans ce podcast. J'ai envie qu'on le fasse. Attendez, je sens qu'il a envie de dire quelque chose. Ah, attends, oui. Ah, là, c'est Hitler, par contre. Guten Tag. Ouais, Jérémy, alors. Yes. Ouais, là, bon, après, il est il est tombé, il est tombé des escaliers quand même. Au moment où il est arrivé au paradis, il est tombé des escaliers. Ce qu'on sait pas, c'est qu'après la mort, on continue de vieillir. On continue de vieillir après la mort. Là, ça devient très compliqué. C'est un peu ralenti, mais ça continue. Les cheveux continuent de pousser tout. Et du coup, la voix est très. Il a un catogan et il est très très vieux. Bon. Voilà, c'est juste des bruits. C'est plutôt Yves Descend, là. Oh non! Descendant, du coup. Une des plus belles qui n'a jamais été faite en France, en termes de blagues. Bien joué. Je vous le dis tout de suite. Oui, donc j'avais une question, les amis, d'un auditeur. Vous êtes un peu tous des gens du spectacle, et je voudrais savoir. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Je voudrais juste le prouver. Ouais. Oh, la Lalande. Ouais, le début, c'est un peu la Lalande. Je veux voir la fin du spectacle. Ouais, bah c'est au bouffe parisien. Ouais, ah, c'est stylé. Non, il a viré Lucini. Il fait, non, je vais faire du pipeau. Lucini, il a fait, d'accord, ok, je me barre. Attends, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, mais avec sa vraie voix, quoi. pas une voix qui n'a rien à voir. La question que je voulais vous poser, c'est à quel moment vous êtes dit, allez, je me lance dans ce monde du spectacle? Alors, je sais que les gens attendent toujours un instant T, et c'est rarement ça. Mais à quelle période vous êtes dit, allez, je tente le grand saut? J'ai envie de commencer avec toi, Laura. Bain. Oui, le grand bain, d'ailleurs, dans toutes les salles parisiennes et aussi ailleurs dans la France. Est-ce qu'il y a un moment, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je me lance? À quel moment, est-ce que déjà t'as voulu faire ça depuis le tout début ou c'est un truc qui était un peu en toi? Moi, ma mère est clown. D'accord. Donc, très stylé déjà. Ouais. Du coup, en fait, elle faisait toujours des spectacles, quoi. Bah oui, bien sûr. Et j'ai fait toujours du cirque. C'est fou. Mais non, mais rigole pas, c'est super intéressant. Du cirque nul, là. Non, mais tu faisais quoi? Je pense que je détiens le record de la plus mauvaise jongleuse de France. Tu jonglais? Je jonglais très, très mal. Beaucoup d'accidents de trapèze, elle avait rattrapé des gens. J'ai fait du trapèze. Ça développe beaucoup les épaules, donc j'ai arrêté. Ah putain, t'étais rattrapeuse ou voltigeuse? Trapèzeuse. Non, c'est ce qu'on dit, voltigeuse. C'était avec quel cirque? C'était le cirque de Brunstatt. D'accord. Qui est une toute petite ville en Alsace. Oh, parce que je viens d'Alsace, de Mulhouse. Donc en fait, je crois que je me suis pas vraiment posé la question. C'est juste que quand je suis rentrée en fac de ciné, j'avais une copine qui travaillait chez Arte qui m'a dit viens faire des voix off là-bas. J'en ai fait plein là-bas chez Arte. Du coup, je suis arrivée à Paris. Parce que, enfin voilà, en fait, si tu veux, j'ai commencé dans les voix et tout, et je me suis jamais vraiment dit que j'allais faire autre chose, quoi. Mais je me suis pas dit non plus que j'allais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Truc de malade. Quoi, oui, en fait, t'étais dans le circuit du truc. Je suis un petit peu là où je devrais être, mais. Non, mais tu vois, t'étais dans le circuit du truc, en fait, et du coup, la question que s'est pas posée. Et puis, j'ai vraiment eu l'aide de ma mère. Enfin, ma mère m'a vraiment aidée à venir sur Paris, tu vois. J'ai eu vraiment de chance par rapport à ça. Donc, j'ai pas eu, genre, vraiment à me poser ces questions. J'ai jamais vraiment travaillé, tu vois. D'accord. Est-ce que ça fait de la peine de voir que Patrick Sébastien ne présentera plus d'émissions en tant que femme du cirque? Bah oui, c'est ça. Mais j'ai peut-être... pas envie d'en parler. Oui, c'est ça. Tu lances des sujets un peu durs. Je suis hyper émue quand je... Je te rappelle qu'il est bienveillant. Il a posé la question dans son dernier livre. Il fait, bon, si on était bienveillant, cut, une semaine après. Bon, les gens de France Télé, vous faites enculer, là. Comment vous me virez, bande de merde? Patrick, t'as pas lu ton bouquin? Le cut est assez fou. Ah ouais, bien. Ah si, par contre, je me rappelle d'un truc, c'est que j'ai toujours voulu être imitatrice. C'est vrai? Ah, bah alors! Parce que quand j'étais, figure-toi, au collège, je rentrais le soir et je faisais des imitations de mes professeurs qui étaient malades. Ah, ça, c'est un peu la belle histoire des comédiens. Mais alors, c'est fou parce que tu sais qu'autour de la table, on a un professionnel de l'imitation qui peut peut-être. À la personne de Jonathan Cohen. Non, c'est toi. Non, il y a aussi Adrien Méniel, mais c'est vrai qu'il y a un peu de professionnel. J'aimerais faire mon imitation de Morane tout à l'heure. Très bien. Ah oui, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un peu une battle entre vous deux. Quel conseil vous donneriez dans l'imitation? Nous deux ou Vous deux. Je sais pas. Vous êtes les deux plus grands imitateurs que je connaisse. Oui, d'accord. Parce que tout à l'heure, enfin bon, après, je veux pas griller toute. Non, je dis pas. Que Yves Montand. Non, je dis pas. Comme les magiciens. Non, je dis jamais. Tu balances pas que c'est un. Pardon, non, je dis pas. Pardon. Je sais pas. Je trouve que il y a pas vraiment de conseils à donner aux gens. Je pense que c'est le plus important. C'est l'observation. Oui, c'est un don d'observation. C'est. Mais c'est un don de voix. Moi, je pense qu'il faut. Il faut aimer profondément les gens. Ou toi, t'imites que les gens. On peut bien imiter que les gens qu'on aime, en fait, finalement. On se moque, mais finalement, si on arrive à les imiter, c'est qu'on les aime et qu'on a envie de les avoir en nous, un peu. Il y a un imitateur. C'est un peu comme les gens qui arrivent à. Comment dire, les dessinateurs place du théâtre. Moi, j'arrive à croquer les gens. Ouais, là, c'est ça. Tiens. Il a un petit nez comme ça, il a un truc. Il me parle comme ça. Ah, tiens, il est. Ah. Et j'arrive, je les croque comme ça. Et à la fin, il y avait une merde. Il y avait un imitateur qui disait ça premier degré. Il disait. Ah, vous imitez pas, je sais plus qui, je dis n'importe quoi, Le Pen. Bon, c'est faux parce que tout le monde imite Le Pen, mais en gros, il dit. Bien joué. C'est très fort. Tout le monde le fait. Ça, c'est Gollum et Thomas VDB. Ouais, c'est les trois que tout le monde imite. Et en gros. C'est vrai. Tout le monde imite ces trois personnes. C'est vrai, Thomas VDB, il est hyper facile à imiter. Ouais. Mais non, justement, les pas facile, il est pas facile, mais je veux dire, il est très caricatural. C'est très dur à faire. Pareil, ne préviens pas. Au moment où tu le fais. Tu dis de l'aimer. J'arrive pas. Je sais que c'est un peu cette vibe là, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment c'est Thomas VDB qui a eu un petit AVC. Tu vois, j'arrive pas à le faire. C'est pas bien, c'est dur. Les textes sont au catastrophique. Ouais, il faut que tu bosses les textes. Ça, c'est Joe. Bah, même quand il chante, c'est vraiment à chaque fois le flow, tout, il y a tout, mais vraiment, il y a des gros problèmes de texte à chaque fois. C'est faux. Sur les imitations, il y a toujours un truc de texte. C'est pas vrai, tu veux que je te prouve le contraire? Vas-y. Un peu plus tard. En même temps, en France, on est dans un pays où les imitateurs commencent toutes leurs imitations par « Salut, c'est Jacques Chirac !» Moi, ce que je déteste chez les imitateurs, le c'est les chansons qu'ils adaptent avec des thèmes politiques. Ça me rend dingue. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Emmanuel Macron. C'était tellement ça marchait beaucoup pas. Trop long. Emmanuel Macron. Tu ferais mieux d'arrêter de t'en mettre plein les poches. Dis donc, ta femme. Et de nous faire pas chier avec tes valoches. Et j'ai l'impression que ta femme, elle est quand même carrément vieille. Moche. Ouais. Nous irons tous en acédic. Tous les trucs comme ça, gars. Normalement, dans mon monde à moi, c'est une balle dans le crâne. Et on en finit. Fin de journée. Lars von Trier, il vient, il fait OK, ça je chasse. Ça, et tu vas le tuer vraiment? Alors, je le fais tout de suite. Très bonne imitation de Lars von Trier. Je le tue tout de suite. Tu vas le tuer? J'ai filmé tout de suite. Attends, action, coupé, mort. Est-ce que tu peux maintenant imiter Karl Lagerfeld? Bien sûr. Mais attends, mais j'adore ces doublés qu'il a fait, c'est formidable. Pour moi, c'est la nouvelle décadence. Tu peux imiter Karl Lagerfeld? La nouvelle décadence, en plus, c'est vraiment un nom de groupe de zouk. C'est la nouvelle décadence. Coupé décadence. Coupé. Jérémy Galland. Oui. Toi, c'est un peu particulier parce que t'as fait de la musique avant. Oui. À quel moment tu t'es dit je me lance dans l'art? Peut-être les deux, mais d'abord musique, ensuite, comme tu veux, je te suis. Non, mais pareil, c'est, ça a été un peu... j'étais, en fait, je faisais une école de cinéma d'animation, donc déjà... Après ah oui, le bac, rien à voir, du coup. Ouais, mais, et du coup, en même temps, je faisais de la musique à côté, et la musique a pris le pas parce que j'ai signé en maison de disques. Bah, quand la musique est bonne. Bah oui. Est-ce que Théa a été voir une maison de disques avec ta guitare sur le dos, que tu leur as chanté tes cicatrices. Et après, on a pu, hein. C'était Kinito. C'était quasiment en même temps qu'on... C'était cette génération-là. C'était cette génération, ouais. Team Nowhere, quoi. Nowhere. Oh putain, les mots, Nancy Arc, mais tout ça. Voilà. C'était ça, putain. Je me rappelle. Et Nancy, moi, j'ai fait un... Qui c'est qui a fait au centième étage? C'est Vegas Star. C'est encore autre chose. C'était Vegas Star, c'était nos rivaux. Ah ouais? Ok. C'était vos Capulet de vos Montaigu. C'était de guerre. Nous, on s'en foutait, mais eux, ils avaient très envie de... De vous péta. Pas nous péta, mais de se dire, ah, il y a une vraie guerre entre deux groupes. Bah non, il y a... C'est pas les couilles. Mais donc ouais, donc effectivement, et la musique m'a re-ramené aussi cinéma télé parce que j'ai, bah, je fréquentais un peu le milieu du showbiz. Oh là là, on peut dire que t'as fait la, on peut dire que t'as fait la bise à Vincent Lagaffe. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Quand même, on peut le dire. On a une petite aventure de 2 ans. Avec Lagaffe. Avec Vincent, ouais. Bonjour Vince. C'est mais voilà, je voilà crois, de fil en aiguille. Le rideau. Je me suis retrouvé à devenir auteur dans une émission et là j'ai rencontré Ken Kojandi à l'époque du Festival de Cannes. Et puis, okay. Il en a changé des vies, lui. Hein. Non, bah, voilà. Bah, la mienne en et tout après, cas. Et après, grâce à lui, j'ai rencontré Jonathan. Tu peux le dire. Non, mais en même temps que la musique, je continue à prendre des cours d'écriture de scénario par correspondance aux États-Unis. Donc j'ai toujours un peu. Enfin, j'ai vraiment voulu ça. J'ai pas fait. Okay. Ça m'est pas vraiment tombé dessus. C'est vraiment depuis ado, musique, ciné et tout. Il n'y a pas eu un espèce de déclencheur de bah vas-y, je le fais. C'est depuis le début, tu dis je ouais, le ferai. Non, j'ai eu des parents qui m'ont jamais, tu vois. Enfin, j'ai. Soutenu. Ouais. J'ai des parents qui n'ont jamais été vivants. Ils ont vraiment mort très tôt. Et donc, du coup, bah, j'ai passé tranquille. J'ai jamais été, en fait. Ouais, et du non, mais coup, voilà, ils m'ont toujours soutenu, en tout cas, dans mes envies autres que le parcours traditionnel. Ouais. Et ça me fout les poils. Et surtout, parce que mes parents. Ouais, voilà. Pareil, mais parce qu'ils mes sont. Mes parents avaient des boîtes de nuit, hein, donc à un moment donné. Ouais, c'est ah, ça. C'est tu seras médecin. Oui, en fait, c'est ça. On est dans les années 70, donc c'était. Mais il y avait des boîtes à partout, mais. Des baisers. J'ai deux beaux baisers. C'est plutôt des beaux baisers. Mais du coup, tous les deux, le sida. En tout cas, ils l'ont transmis à beaucoup de personnes. Comme cet amour que j'ai. Le sexe non protégé. Oh, c'était les 70s. C'était les 70s. Fume-moi les clopes. Adrien, toi ? Bah non, toi, moi, c'est le dessin encore, donc c'est encore autre chose. Mais le dessin, ah toi, oui. Tu... Ouais. Mais moi, en fait, justement, il n'y a jamais eu de moment vraiment où je dis. Allez, j'y vais. J'ai jamais eu d'ambition, en fait. C'est ça le truc. C'est que je me suis toujours. Il empêché. A dit ça avant, juste il a remis ses petites manches comme ça devant, comme un enfant. Il en CM2, j'adore. Eh, ça va. Non, mais moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai toujours pensé que c'était des métiers qui étaient un peu pour les autres, donc je m'interdisais un peu d'avoir ces ambitions-là. Et en fait, le dessin, pas trop. En fait, il y a pas mal de dessinateurs dans ma famille et tout. Donc, moi, j'ai toujours dessiné. Vous êtes tous dans le milieu depuis le début, en fait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Soyez dans le milieu. T'es pistonné, ouais. En fait, dans le dessin. C'est ça. Non, mais donc, j'avais en tout cas le goût pour le dessin. Et en fait, quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire du tout le métier pour lequel auquel mes études me destinaient. J'étais genre le multimédia, les trucs un peu enfin pas loin chiant. Faire des sites web. Ouais, voilà, exactement, j'avais Codé. Pas envie de faire ça. Du coup, je me suis dit bon, je dessine beaucoup, je vais tenter de faire ça, mais je l'ai fait sans vraiment d'ambition, quoi, vraiment. Et alors pour le coup, l'écriture et l'actorat, hein, si on peut dire. On peut le dire. Ça, pour le coup, c'est vraiment le truc que jamais je me serais dit je vais faire ça dans ma vie, quoi. Et en fait, ça m'est tombé dessus grâce à Vladimir Rodionov, oui, qui était sûr. Le directeur artistique de Golden Moustache à l'époque, qui m'a proposé de venir essayer d'être auteur chez Golden Moustache. Et du coup, j'ai dit oui parce que c'était cool comme expérience, mais jamais je me suis dit, à aucun moment de ma vie avant ça, je m'étais dit je veux faire ça, je veux être auteur, je veux encore moins c'était jouer même à la pas comédie. Un rêve, quoi. Je pense que c'était un rêve que j'avais un peu réfréné parce que pour moi, c'était genre un truc qui était dans une autre sphère, qui était pour les autres, quoi. Et alors, jouer la comédie, encore moins, quoi, parce que encore écrire, je le faisais parce que je faisais de la BD un peu. Donc, je me disais, bon, c'est pas fou non plus que je me mette à écrire pour autre chose. Mais jouer, j'avais vraiment jamais fait ça, quoi. Donc, du coup, je suis très content de faire ces métiers-là maintenant, mais je ne m'étais jamais dit... Il n'y a pas jamais eu le déclic. Non, jamais. En fait, c'est pour ça que je vous demandais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une... une légende urbaine, ce, ah, et là j'ai eu le déclic. Toi, Jonathan, t'as non, eu ce truc là ou... le déclic de genre tu vois un film et tu dis ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Non, je pense que c'est horrible. Ça peut être un peu en déclic, tu vois. Il y en a qui veulent faire ça depuis qu'ils ont 6 ans. Toi, Jonathan, c'était quoi? Moi, en fait, c'est un peu comme toi, Adrien, c'est-à-dire que vraiment. C'est pour les autres, c'était pour les autres en fait, ce métier-là, tu vois. Moi, on me disait plein de fois, tu devrais prendre des cours de théâtre. Ouais, marrant, tu devrais prendre... hein. Exactement. Et moi, j'avais ce truc-là de me dire, bah les gars, c'est pas parce que je fais des blagues que je vais être oui, acteur en fait. Complètement. Et en non-assumage du truc. Et un jour, mon meilleur pote, qui est toujours mon meilleur pote, mais sans vraiment prévenir personne, a dit « je vais prendre des cours de théâtre ». Et c'est comme s'il faisait quelque chose, tu vois, que j'étais destiné. Ouais. Et je n'ai pas voulu le suivre tout de suite. Après, voilà, moi, j'ai vendu des fenêtres. J'ai été dans la vie active très, très tôt. Du coup, comme Julien Courbet, Julien Courbet, ouais, qui est juste derrière. Ouais, ça va, salut Julien. Salut. Bah, si c'est pour venir et dire ça, aucun intérêt. Je vais pas t'interrompre. Vas-y, continue. Ok, bah reste derrière alors. Donc du coup, c'est Julien Courbet, Georges Alain. Vous jouez. Alors moi, je vous jouez tous les jeudis, c'est ça. C'était Julien Courbet, l'acteur. Ah, craché dans ton yop. Oui, il était une fois. D'accord. On a tous oublié sa voix, donc bénéfice du doute. Donc du coup. Je sais pas. Pas comme si j'étais pas. Tu dis ça comme si je l'avais imité, alors que c'était vraiment lui qui était là. Comme Yves Montand tout à l'heure. Comme Yves Montand. Comme le fantôme. Évidemment. Mais alors attends, je vais 2 secondes lui reparler. Julien. Oui. T'es bien celui qui a fait Ciel, les oiseaux et ta mère. Exactement. Je faisais cracher dans ton yop plus jeune et puis après j'ai fait ça et après plus rien. Vous avez fait le raid. Vous avez fait le raid ou pas? Oui, il a fait le raid. Je ne sais plus. Si si. Vous avez fait le raid. Il y a longtemps. Oui, j'ai fait le raid. Non, bien sûr. Et vous avez fait sans aucun doute. Ah non, ça c'est mon homonyme. Ah pardon, excusez-moi. Mais qui est comédien aussi maintenant comme vous. Exact, oui. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Polister? Ouais, je suis Julien Courbet sur le plateau sans aucun doute. Putain, j'ai l'impression qu'il y a deux Julien Courbet qui vont parler en même temps. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on est réunis en plus. Ah, cette rêve que peu de gens auront. Jonathan. Et donc, t'as pas voulu le suivre tout de suite? Et non, j'ai attendu vraiment 6 mois, 7 mois avant d'aller au cours de théâtre avec lui, parce qu'il me disait, viens me voir quand même. Et pour le coup, moi, j'ai eu un déclic, c'est quand j'étais dans ce cours qui s'appelait Fame. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était une école de théâtre, gars, vraiment, qui était à l'américaine, quoi. C'est vraiment en cours de danse, en cours d'acting, un peu méthode. Tous en leggings. Méthode Stanislavski. Il y avait effectivement des meufs qui étaient le pied là, en mode, ouais, je sais pas si j'aurai le temps d'aller en cours tout à l'heure. Avec le pied à 2 mètres du sol. Pied à 2 mètres du sol. Et voilà. Et moi, j'étais arrivé avec ma valoche de vendeur de fenêtres, gars. Mon costard. D'accessoires. Mon costard, mon truc. Et je l'ai regardé en train juste devant le théâtre. Avec une grosse valise en cuir. Alors c'est ça la grande ville. Il a mis son chapeau, il a fait salut Paris. Bonjour Paris, à nous deux. Et du coup je suis rentré dedans et j'ai assisté à un cours effectivement d'impro et j'avais tellement envie d'y aller en fait. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai plus réussi à taffer. Et du coup, 2 mois après, ça a mis quand même un peu de temps, j'ai démissionné, je me suis inscrit, mais sans vouloir être acteur. Sans vouloir, il n'y avait pas d'ambition, un peu comme toi. C'était un truc de, j'avais besoin de m'inscrire et de commencer une autre vie et voilà. Oui, ça c'est vrai qu'il y a un truc aussi de pas réussir à faire autre chose. C'est-à-dire, moi j'ai fait des petits boulots. Alors, je crois moins que toi. J'ai eu de la chance, ça a été méga vite moi, mais j'ai quand même fait des. 22 ans. Oui. Mais rappelons-le, je viens de quitter la 3e B. mais quand je faisais des petits boulots, ça allait, je pouvais les faire. Tu vois, McDo, tondre des pelouses, machin et tout. Esthéticien, bref, tout ça. Et mais c'est vrai qu'à partir du moment prothésiste dentaire, j'ai fait ça à un moment. T'as fait ça toi ou pas? Ouais, j'ai pas fait. Ah ok, t'étais dans un perso. Encore. Ouais, parce que ça me fait, je suis comédienne. Tu vas en sortir quand? Non, mais tu vas en sortir quand? Attention. Tombe le masque. Il y a Morane, elle est pas loin, je le dis. Je dis. Et donc du coup, ouais, et à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, où on commençait à gagner notre vie, mais pas assez pour vraiment vivre. Yes. C'était en fait plus difficile parce que j'arrivais pas à me dire oui, bah je vais écrire des sketchs et puis le week-end je reste au McDo quoi. J'arrivais pas à, d'un coup ça rend le truc, quand t'aimes ce que tu fais, c'est vrai que ça rend un peu le truc, le reste un peu plus compliqué. C'est impossible après de revenir en arrière. Quand on aime, on ne compte pas. C'est de toi, et on ne revient pas. C'est de Baudelaire. C'est de moi, ouais. quoi, c'est de vous tous. Ouais, c'est tout de, c'est de moi c'est, aussi. C'est un acte c'est vraiment. Non, parce que je l'ai dit plein de fois avant juste d'être là. Bah, c'est collectif. C'est vrai que quand j'aime. Non, mais t'es un mytho. Non, mais le truc. Mais c'est un mytho non, aussi. Alors, mollo. Serge Mollo. Non, mais juste Serge Mollo. Serge Mollo. Non, mais ça ne plus rien. Le mec ne dit que des mollo. Serge. Oh, mollo. Serge Mollo. Des épisodes très courts, quand même. Faudrait qu'on ait des comédiens qu'on fait Serge Le Mito qui pourrait faire Serge Le Mollo. Allez, c'est parti. Attends, Serge, regarde, je te resserre un peu de vin. Mollo. Ça dure une seconde. Très bien, très très bien. Très très très court. On le fait. On a une caméra. Arrêtez, Jean, il faut passer par Arrêtez. On le fait, c'est génial. Salut, si tu nous entends un jour, Harry. Cette voix, c'était quelqu'un d'autre aussi. Patrick Sébastien. Et moi, Patrick Sébastien, les gars. Non, pardon, Patrick Sébastien. Moi, quoi. Bah, ça vous emmerde, mais moi, j'aime bien. Non, mais c'est l'enfance. Oui, ah oui, oui, son oui, excuse depuis 10 ans. C'est l'enfance. Le c'est grand... comme Smaïn, j'aurais toujours de la tendresse pour Smaïn. C'est, c'est pas pareil. Faut... Est-ce que vous vous rappelez, l'autre jour, j'ai vu à la télé quelqu'un qui s'appelle Éric Métayer. Oui, oui bah, bien sûr. Je me rappelle plus. Non, sûr. Mais si, là, il a fait un film de oui. C'est le fils de Alex Métayer. Moi, la jeunesse, c'est quand même Courtemanche qui est en train de faire son comeback. C'est vrai? Courtemanche. Et ça a vraiment très mal vieilli. Non mais Eric Métayer il fait un retour de ouf, il fait un retour de ouf. Là il a fait un film ouais sur c'est quoi c'est Cannes les chatouilles sur la pédophilie. La pédophilie. Il y a Grange d'ailleurs dedans. Ah mais non mais d'accord mais oui alors en fait d'accord. Okay, parce que sa femme il raconte l'histoire de sa femme en fait sur les chatouilles. Ah d'accord, je sais pas. C'est sa femme qui a été agressée sexuellement puisqu'elle est passée dans 7 à 8 dimanche dernier. Quelqu'un qui avait dans le Floodcast recommandé ce spectacle, c'est un spectacle les chatouilles là-bas. Mais c'est adapté en film. Voilà. D'accord. Donc la boucle est bouclée finalement. Et Eric Métayer qui est aussi la voix de Bob Razowski dans Monstres et Compagnie. Allez, terminé. C'est vrai, pardon. Mais oui, c'est pardon. Vrai. Quel juste moi, j'ai une question geek. Pour Jonathan. C'est parce que la blague, moi, que j'aime bien faire, de dire oh, t'es un mytho, quoi. Ouais. Est-ce que on t'a fait. C'est lié à une série. T'es... Non mais est-ce que non mais est-ce qu'on te l'a fait vraiment? C'est une vraie question, quoi. Oui. Ou c'est une vanne question. Non, c'est une vraie question. Est-ce que vraiment... On me l'a fait H24. Les gars, il n'y a pas un moment donné où je suis là, mais même des fois, les gens, ils sont... Non, mais le mieux, c'est les mecs qui viennent te... à quelqu'un. Qui viennent te dire le micro. Je parle à quelqu'un dans la rue et il y a juste un mec à côté qui est comme ça, fait « Eh, le croyez pas, hein, c'est un mytho !» Et les gars, je fais « Ah, bien, ouais, le gars. » Il fait « Non, non, non, je plaisante. Bon, j'aime bien, en tout cas, ce que vous faites. Hein. » Et je viens de Marseille, c'est, je voulais te le dire. Je l'entends de loin, je fais « Eh, mytho, va mytho !» Mytho. Oui, j'avais entendu déjà la première fois. Parce que le feu est rouge, donc je suis pas encore parti. Ouais, Serge. Ouais, Serge. Oui. Tu nous... Attendez. Attendez, je vais lui dire. Oh, Serge. Attendez, deux secondes, laisse-moi. T'es mytho. T'es mytho. Hein? Tu veux pas raconter un mytho? Tu as pas le temps, bon. Et t'as toutes les marques, mais c'est très très mignon. Les gens viennent ouais. te dire des mythos. Ouais, ouais je peux te raconter quand j'ai braqué une banque avec un sabre laser. Je déconne. J'aime bien écrire aussi des trucs, mais ouais. ils sont trop mignons les gens. Tu me l'apprends pas celle-là, tu l'apprends pas pour ton sketch. Non, mais tu peux, attends, j'ai passé une idée pour toi, tu peux la prendre pour toi. Franchement, ça serait super. Ils viennent tous du sud. En parlant du sud. Et alors, ils viennent tous du sud. Oui, en parlant de gens qui viennent tous les fans, toutes les vues de Charles Mito sont essentiellement de Marseille. C'est Morane, la région PACA. Non, pas sur PACA. Non, j'ai cru, pardon. Pardon, je suis ok, vieux. Ah, attention, un nouveau fantôme. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Guangu, ma raison. Ouais, Morane, même là-haut, elle se tape des barres quand elle chante. Mais en plus, elle est pas morte, Morane. Si, elle est morte. Elle est morte. Mortane, du coup. Elle est morte. Je l'ai vraiment mal fait. Heureusement que tu l'as bien fait. Ce qui est vraiment horrible, c'est qu'elle n'était pas montée sur scène depuis très longtemps. Elle a fait en Belgique. Non, mais attends. Elle est montée sur scène. Elle fait je suis très heureuse de remonter sur scène. Elle est morte le soir même. Non, mais ce qui est horrible. Le soir même. Attends, mais oui, non, mais attends, c'est ça qui est horrible. C'est que le lendemain matin sur Europe 1, Lio, 8h. Lio, tu vois, je l'ai pas. Elle dit, je chantais mieux qu'elle. Elle dit, ouais, non. Votre avis sur Morane, Lio. Ce qu'elle dit, elle dit, en fait, elle était triste et tout, ça devait arriver. Ah, et les gens disent, mais on ne sait pas si elle est morte de cause naturelle ou si elle s'est suicidée. Donc déjà, la nana, elle lance big en mode suicide. Ça aurait été drôle. Mais vous tout savez, le monde dit qu'elle s'est suicidée. Et aujourd'hui, personne ne le sait parce qu'en fait, ils en ont parlé très peu derrière et que c'était plus stylé de dire qu'elle s'était suicidée. Ouais. Mais elle est morte d'un malaise cardiaque dans sa baignoire. Quoi. Ah. Et sa fille, c'est horrible pour sa fille. Et il y a des gens qui me disent, mais attends, putain, mais c'est la mère que nous, de quelqu'un. On respecte sa mémoire dans cette émission. C'est horrible pour sa fille. Elle est morte dans la chatte. Attends, elle limite bien. On s'envole sur le bord du Havre et des baraques. Oh, c'est magnifique. Oh là là. C'est pour magnifique. Toi, Morane. Bah, genre, en plus, ça. Attends, juste pardon. Espion. Par contre, pourquoi vous dites que tu le fais bien alors que c'est Morane qui parle? Oui, c'est Morane, c'est quand même fantastique. Évidemment Morane, qu'elle le fait bien, c'est elle. Morane? Oui. Comment es-tu morte alors? Est-ce que c'est un suicide ou... Je suis mort d'un malaise cardiaque. Pardon, Morane. Vous pouvez pas vous empêcher de chanter en fait. Je n'y arrive pas. Attendez, il y a pas de soleil, pourquoi tu portes un Bob Morane? Parce que Bob Morane contre tout chacal. Excusez-moi Morane, est-ce que vous arrivez de chanter sur d'autres airs que nanana? Évidemment, c'est difficile. Est-ce que tous les chanteurs chantent au paradis comme vous, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans un chant, dans du chant? Face à la mer. Vous êtes Calogero. Mais Calogero, il est pas mort. J'ai l'impression que c'est un canular depuis le début. J'arrive à me glisser juste. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un fantôme. Un autre fantôme. Il m'entend, vous êtes revenu? C'est qui? Yves? C'est pas Yves. Johnny? De finesse. Regarde-moi. Johnny? Ah, c'est Johnny! On est Johnny. Oh. Excusez-moi, j'ai pété. Pas mal. Alors salut, ça va? Vous êtes content les ventes d'albums là quand même posthume? Oui, écoute, c'est pas moi qui vais toucher les droits, hein, donc. Alors c'est qui au final? Qu'est-ce que vous avez écrit dans le testament? Ouais. J'ai écrit, écoute, c'est pour j'ai pas eu le temps d'écrire dans Letty. Écoute, j'ai déjà mis sa petite paire de côté. C'est pour les deux petites, c'est déjà j'ai écrit tout ça en mandarine sur mon bras. Mais c'est fou, il y a vraiment Jonathan, t'en penses quoi? Il y a vraiment Johnny quoi. C'est un truc de ouf. Moi, quand il parle, je laisse toujours parler. Tu vois. Je vais pas intervenir quand il parle. T'as raison. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que c'est un super podcast. Fougasse! Fougasse! Fougasse! C'est Fougasse! Okay, attends, bien. C'est l'imitation de Johnny qui, dans à la boulangerie. C'est un truc d'impro, tu sais. Alors, le premier petit papier, Johnny Hallyday, deuxième, à la boulangerie. Alors, bonjour, monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Il est fougasse. C'est bien. On a raison. On a eu raison d'y aller à ce match d'impro. Hein. Oh non, je vous le dis, on a eu raison. Ah, il faisait bien, le mec. Le mieux, c'était quand même Johnny Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge, I know what I need. Pierre Marcel, Pierre Patini, Pierre Baldi. Pierre Marcel, Yaron Poupeau, et Pierre Baldi. Il n'y a pas un nom qui était bien prononcé. Non, mais la plus belle histoire, attends, il y en a eu des belles histoires. Pierre Marcel, Pierre Marcel, Pipolo qui est une marionnette. Pipolo qui est vraiment une marionnette, hein, c'est pas une vraie personne. Bibuldo, il a mentionné. Il avait raconté une histoire incroyable à des potes, rien, des gens qu'il avait vus à Los Angeles et qui avait raconté ils étaient chez lui et genre il voit une de ses chaises, putain Johnny c'est une très belle chaise. Oui, je l'ai acheté sur le truc là de. Comment ça s'appelle aux enchères sur Internet. Ah, eBay non, c'est pas ça. Oh, comment ça s'appelle? Non, c'est le truc sur Internet pour acheter aux enchères. Ah, oui, c'est bon. Sur eBay. eBay. Moi, j'aurais déposé direct après. Ouais. Juste pour que Johnny aille acheter des trucs sur mon site. Tu peux pas le contredire en plus. Je suis OK avec ça. Très bien, les amis. J'ai quelques questions de gens, un peu pour vous quatre. Voilà, les gens s'intéressent à vos petites vies. Tout ça. J'attends, tu peux parler près du micro? Oui. Serge le micro. Oh oui, Serge. Et si on ferait pas une mini-série qui s'appelle Serge le micro? Serge Molo, Serge le micro. Eh les gars, je sais pas dire. Harry, si tu nous écoutes, tu nous dis. Serge le miso. Bonjour, est-ce que vous vous désirez avec ces chiens? Couilles. Ok, j'ai un autre. Moi j'étais parti sur miso, la soupe. Moi j'étais parti sur la soupe miso. Ok, bah c'est parti. Excusez-moi, les amis. Serge la soupe miso. Pas d'accent, ok. Ah, c'est bah, vous prendrez bien avec votre menu B12 un peu de soupe miso. Bien sûr. Bien sûr. Oh. Ah putain, ça fait du bien de rire, je vous jure. Hein. Bientôt, on rira moins. Hein. Tu sais ce que je dis souvent, pour moi c'est un bon steak. Il faut marrer les véganes. J'en ai brûlé des calories à force d'en bouffer et de rire. Il s'est pissé dessus. Je suis fatiguée de rigoler. La meuf se remaquille pendant un podcast. Non, parce que je m'hydrate les lèvres en fait. Il faut savoir que depuis le début, Laura se fout des trucs dans les yeux, se repoudre les lèvres, ça n'a aucun sens. Elle refait tout. Ça va Laura? Ouais. Tout va bien? Très bien. Alors. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh merde! Non, encore un fantôme! C'est Dalida! Je sais bien que tu m'adores! Oh, bah y'a Dalida! Bonjour Dalida! Bonjour Dalida! Vous pouvez être là? Je suis venue pour. Parce que je voulais dire qu'il avait 18 ans. Vous êtes venu vraiment pour nous dire déjà un âge qu'il avait déjà il y a longtemps. Ouais, parce que vous l'avez beaucoup changé. Vous savez qu'il avait 18 ans. Vous savez qu'il a 78 ans aujourd'hui. Je sais. Et qu'il est décédé. Ouais. Vous l'avez sucé un peu ce petit gamin? C'est toi là-bas dans le noir? Non, c'est pas moi. On vous pose la question, je suis en plein jour. Mais Gigi, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Les voisins vont gueuler. Bon, allez. Bonsoir, c'est Céline Dion. Oh! Même si elle est morte, elle fait des concerts. Je suis pas morte, mais je suis quand même là. Alors, Serge le McDo. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un Big Mac. C'est vraiment... Il n'y a rien. Il n'y a même pas un essai de... Arrête Orgeman. C'est beaucoup mieux. Comment ça va être la merde? On va croire que je suis vraiment une banane. Plus c'est nul, plus j'adore. Tu peux me permettre? Serge le bateau. Ça Le bateau était si bien fait. Ouais, il le fait bien. Il y a pas mal de trucs que j'ai fait avec ma bouche. Ça. Attends, j'ai un truc. Serge, le bingo. Ok. Le numéro 16. Bingo. C'est horrible. Ça va en fait, si ça, on continue, ça nous offre une preuve. C'est que, oui, je suis sur le Wikipédia de Rime en haut pour trouver. Non. Mais mec, va sur rimesolide.com. Rimesolide.com. Rimesolide, il y a un site. Rimesolide. Alors putain, non mais en vrai, c'est tous les gens qui aiment écrire en particulier de la musique. Rimesolide au pluriel.com. Ouais. C'est génial. C'est vrai. Tu entres un mot, tu peux verrouiller certaines syllabes pour dire ça. Je veux que ces syllabes elles soient dans les résultats et tout. Et ça te donne toutes les rimes. Ça fait aussi les champs lexicaux, les assonances. Ouais. C'est extrêmement... Les allitérations. Oui. Non. Les métaphores. Ok, en parlant de rimes solides, en voilà une. Pa pa pa pa pa pa pa. Piano bar. Attends, juste maintenant. Serge, le piano. alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer aujourd'hui? Un petit air de piano. attends. Vous voulez des rimes solides? Allez. Prenez ça dans la gueule. Allez, go. Tout le pep et la belle paix. Popopé, belle belle paix. Popopé, belle belle paix. Ah, moi, j'ai pas peur des bouts en train. En prenant le train, oui. Il va faire rimer le train avec toi. Très solide. Rimefaible.com. Rimefaible.com. rime riche. Ce serait génial aussi. Rimefaible.com, tu mets le mot, il ressort le même mot. Il te sort le même mot tout le temps. J'ai les bouts en train, en prenant le train, pas de train-train du quotidien, mais que les trains, les jouets. Tchou, tchou, tchou, tchou. Les jouets pendant un autre type de train. Ah, putain. Non, ça, je peux faire la rime, c'est pas non, le même genre de train. Les... Matt Pokora a quand même fait rimer dans une chanson VIP avec carré VIP. Ah, joli. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut avoir la rime? C'est une rime très riche. Je suis VIP dans un carré VIP. Ça a été ça toutes les années 2010, on a eu ça. Oui. C'est la vraie chanson ou t'as fait n'importe quoi? D'accord. Mais c'est pas là, c'était un peu. C'était Maître Gims. Oui, mais c'était quoi? Attends, il y avait une chanson où il répétait. Attends. Les pires rimes, c'est quand même Tina Arena. Hein. Jusqu'à l'impossible. Mais c'est ah ensemble. Non, oui. Fait, celle qui est faite. Se dire que c'est possible. Ah, ah, dit, ouais, je m'appelle Bagdad. C'est ça. Hein. Et je suis. Tombé chez Rada. Je suis from Middle East. Ah oui, c'était ça. Je m'appelle Bagdad. Et je suis from Middle East. Et Khalou. J'ai un riche dans Marocco. Tina Arena, je me demande ce qu'elle est devenue. Bah, elle est devenue maintenant, elle travaille au truc Arena. Là. Ouais. C'est génial. Elle était à l'accord Arena. C'est con que j'ai pas tout le début de vanne. Parce ouais, que la Core Arena, elle aurait été géniale. Un concert à la Core Arena, ça aurait été quand même. Mais fou. C'est une blague puzzle, ouais, les gens la remettent dans l'ordre et puis après ils peuvent la vendre chez eux. Quoi. Tina Arena, d'ailleurs, on s'est rendu compte, c'est sur Tina Arena, je sais plus, où on se disait que dans les années fin 90, début 2000, beaucoup de châteaux en Espagne. Ouais, beaucoup de chansons parlaient des châteaux en Espagne. J'achète un château en Espagne. Et il y avait aussi, il y avait Tina Arena qui faisait comme un château en Espagne. Et comme on voit qu'elle ne. En fait, j'ai compris. Elle ne comprend aucune parole, donc elle crie fort. Oui, c'est vrai. Pour mettre du sens. Ouais, c'est vrai. Comme t'as jusqu'à l'impossible. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est comme Mike Brown. Les couverts sont mis sur la table. Wow, c'est bah, vraiment. Voilà, elle comprend pas un truc. C'est la preuve que vous ne comprenez rien à ce que vous dites. Serge, que vous Serge le Bento. Bah dans quoi tu vas mettre ton déjeuner là ce midi, Serge? Ah bah écoute, j'ai acheté ça. Ça s'appelle un bento. Petite variante hein, pour les aficionados des scénarios. C'était bento, où est la rouge, où est la rouge? Le bento. Ah, le bento. Serge le bento. Serge le bento. Ouais. Serge le bento. Le bento. Alors moi j'ai pas la... C'est quoi, bento? Serge le bento, c'est... Bah attendez, je vous fais... Faites ouais. Serge le bento. Alors voilà, on cherche la reine, on cherche la reine. Elle est où la reine? Non, elle ça est où c'est la reine le bento, ça. Allez, bon, on arrête. Bon, allez, c'est une fin de saison. Non, mais ça prouve comme quoi, bonne idée d'avoir fait plutôt Serge le mytho. Les mecs plus de matière. Plus de matière. Depuis le début, du coup, j'imagine. Serge le velcro. Oh. Le rayon des vis, c'est vraiment à gauche, parce que là, c'est pas possible. Ok, les questions du coup. Allez. Oui, pardon. Désolé. Je suis bourré moi. En fait, souvent, faut savoir qu'à la fin, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, et souvent, les gens les aiment bien. C'est ce qu'il faut se dire. Les gens rigolent, et ils aiment bien. Mais attends, mais c'est pour les gens hein, qu'on fait c'est ça. De l'or. Hein. Là, c'est de c'est l'or. C'est pas pour nous. Hein. On prend pas spécialement plaisir. Question pour Laura. Laura. Laura. Laura. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de comédienne? Donc, on en a un peu parlé, mais moi, je voulais orienter du coup cette question sur le travail. Sur le cul. De... Non. Sur le travail des voix, parce que je sais que tu es comédienne de doublage. Oui. Qui réfère à être. Je me suis bavé dessus. Ouais, wow. Ça goûte. Ah, ramasse ça par terre. C'est partout. Il y a une flaque. Ça a été pipo. comment ça se passe ce moment-là? Peut-être Jonathan pourra rebondir dessus un peu oui, plus tard aussi. Oui, parce qu'il a fait du doublage. Qu'est-ce qu'on disait au préalable? Non, mais moi j'ai fait quand même 5 ans d'école de théâtre. Hein. Oui, oui. Et du coup. Attends. C'est quand même un métier de la rue de mon cul. Attends. C'est tout de même un métier. Parce qu'on a tendance à faire la confusion. Et d'ailleurs, ça vexe. c'est pour ça. Ça baisse les gens qui en font depuis très longtemps et qui disent en fait, faut être comédien. Je voulais justement te lancer sur ce sujet parce que moi, je me fais un petit peu la plèbe, tu vois, le public qui ne sait pas forcément. Et c'est vrai que doubleur, c'est comme si les gens qui chient sur la VF en disant ah, la VF, c'est de la grosse merde, pourquoi ils font ça, c'est vraiment des merdes. Alors que c'est un vrai travail, un vrai métier. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce truc-là. Bah, en fait, c'est vraiment un boulot de comédien. Alors après, il y a beaucoup de gens en doublage qui travaillent énormément en doublage et qui, du coup, n'ont pas trop le temps de travailler en dehors. Parce que c'est, enfin, en général, c'est un milieu hyper fermé et il y a des restats du doublage, quoi. Donc, ils sont Richard pas Darbois, énormes. Jean-Pierre Tricot. Lui, il est carrément parti vivre à Pointe-à-Pitre. Oui, j'ai entendu ce truc-là. Il a son studio là-bas et genre on lui envoie les recs, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça, il fait bon envoyer les phrases. Il est tellement dans le game qu'il fait ça, lui. Donc, ah, ouais. Et en plus, c'est un grand monsieur, quoi. Ouais, déjà, ces mecs-là, ils sont genre. Ils sont over des blindes. Les voix officielles de Stallone, de Willis. C'est même plus sa voix d'ailleurs. Hein. Il a acheté un gars qui limite. Qui limite. C'est vrai, vraiment, c'est... Alors, c'est super, fou, non son manger son et tout. Ouais, c'est incroyable. C'est pas toi. Salut, Alex. C'est pas toi. Arrête un peu. Et qu'est-ce que c'était? Enfin, je sais plus. Je non, mais comment écoute, j'ai envie de te lancer une question un peu très journalistique. C'est quoi une journée où tu te dis, là, aujourd'hui, tu vas faire du doublage? Comment se passe la journée? Combien de temps tu passes dans la Alors, comment ça déjà, se passe un enregistrement de doublage? Des trucs, t'as du doublage, mais en fait, les gens, ils pensent doublage en général. Ça regroupe plein de trucs. Ça regroupe la voice-over. La voice-over, tu sais, c'est ce que t'entends sur Arte quand t'entends la voix originale derrière. Oui, tout à fait. Là, c'est pas du tout les mêmes travails parce que la voice-over, par exemple, t'as pas de timecode. C'est toi qui gères en fonction de ce que t'entends. T'as le t'as la voix off qui est tout ce qui est pub, voilà, en général, et ouais, pub. Et t'as le doublage, voilà, et t'as les voix de jeu, etc. T'as tout ce qui est à côté. Tu fais tout toi Hein, moi je fais tout depuis pas longtemps, parce que ce que j'avais jamais encore fait, c'est les voix de jeu que j'ai fait ce matin et avant-hier, donc voilà, c'est de jeux vidéo. De jeux vidéo, pardon. Trop bien, ça doit être génial. Ça, bah, c'est bien, mais en fait t'as pas d'image parce que Ubisoft et tout, ils sont très stricts avec ça, genre. Peut-être ils ont pas fini. D'ailleurs, j'ai dit le mot Ubisoft, je risque d'être viré. Tu te fous d'ailleurs? Ça me dit quelque chose. Non, j'ai été dirigée par. Mais je peux pas dire qui, parce que si je dis qui, je dis. Jacques Audiard. Quel DA, et après. On dit rien. Sinon, on sait qu'il est vivant. T'imagines ou pas? Et donc, c'est des trucs très différents. Et en fait, moi, j'adore ça, parce que je trouve que ça. En plus, je trouve que ça a vraiment un lien avec le travail de comédien. Et que quand t'es sur scène après, la voix, c'est tellement important que. Moi, je fais super gaffe à ça après, quand je suis sur scène. Du coup, j'ai pris l'habitude de porter ma voix et tout, grâce à ça un peu, quoi. Pouah, c'était nul comme mais pas du tout, arrête. Je crois pas qu'on est très misogyne, et je tiens vraiment à le dire, parce qu'il y a très peu de rôles de filles. Il faut quand même savoir que l'intégralité des séries que j'ai fait, j'étais ou une pute ou j'étais morte très vite. Et c'est des trucs, enfin, t'as une meuf dans, enfin, c'est toutes les séries américaines qui se font, c'est quand même globalement vraiment beaucoup de mecs. Et les femmes, elles arrivent, mais elles servent, enfin, ou alors il y a une série où il y a que des femmes, c'est d'un coup, mais en vrai, il y a pas beaucoup j'ai une pote, j'ai une pote qui est comédienne aussi de doublage, qui me disait, quand t'es une meuf en France, pour faire du doublage, il faut savoir faire les enfants, et à ce moment-là, quand tu fais les enfants, ils te font faire un peu tous les enfants de la terre. Si tu sais faire tu peux tout faire. Genre tu fais, mais Marion Seclin faisait ça à une époque. Marion Seclin fait une voix d'enfant. Après, les voix d'enfant, elle fait toujours un peu la merde. Enfin, il y en a deux trois que je connais qui les super bien, mais sinon c'est hyper dur à faire les voix d'enfants en vrai. On a tous appris que Sangohan était fait par une meuf. Brigitte Lecordier. Qui est absolument délicieuse d'ailleurs. Je la connais pas du tout. Mais elle a l'air. C'est vrai, c'est en plus, elle lui a mangé le genou. Il faut savoir que dans les directeurs artistiques en doublage, parce qu'en fait, il faut savoir que tout le monde peut en faire, dans la mesure où si t'es comédien un peu et tout, tu vas dans les gros studios et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vas devant, mais tu dis bonjour, j'aimerais assister. Souvent, on me dit va niquer ta race. Tu fais des voix. Mais il faut le faire souvent. Dès qu'il sort, tu fais des voix. Tu fais, hé, toi là-bas, tu crois que je t'ai pas vu sortir de l'immeuble? Et ils font, mais c'est incroyable. Je m'appelle mais derrière un gars, tu lui demandes de faire d'ouvrir la bouche et tu fais une autre voix. Ah oui, et d'ailleurs le premier doublage auquel j'ai assisté, c'était les Feux de l'amour. Il faut savoir que les Feux de l'amour, ça réunit les plus grosses restas du doublage, parce qu'en fait, ils ont des dizaines d'épisodes à doubler en très très vite, tu vois, genre en deux jours quoi. Et en fait, ça se voit les pas, hein. Comédiens, parce que moi j'avais jamais entendu les Feux de l'amour en VO. Ouais. Les comédiens originaux sont tellement mauvais que c'est, je te jure, vrai. Que le doublage Victor Newman dans les Feux de l'amour, c'est vraiment fin de vie, en train de mourir alcoolique, tu vois. Et vraiment, pour le coup, tous les acteurs sont des monstres dans les Feux de l'amour, et leur rendent vraiment service, quoi, parce que c'est horrible original. À l'original, Jonathan, toi t'as fait des voix aussi, c'était sur quoi déjà, tu m'as dit? J'en ai récemment fait pas mal. Moi j'ai fait mon plus beau fait d'armes, c'est Brad Pitt. Ah, ouais. Mais dans quoi? Dans Burn After Reading, c'est moi qui le double. Ah, putain. C'est pas vrai, je te vois pas. C'est moi qui double. Mais tu le doubles dans son meilleur rôle. Il est génial. Il est, il est dément, mais c'est mais. Et tu changeais ta voix ou pas du tout? Parce que je l'ai pas vu en VF. En fait, tu verras. En fait, non, non, je change pas trop ma voix, mais il a, il joue un buildé un peu dedans. Bien donc, sûr. Il joue ouais, un donc. C'est pour ça qu'ils t'ont choisi. Mais évidemment que c'est pour ça. Tu crois que c'était pourquoi? Attention, j'attends. Bah, parce que tu lui ressemblais peut-être un peu. Bah oui, je lui ressemble. Non, j'attends. Sa copie tunisienne. Mais you black pit from Middle East. I've got a Riyad. Bref, et j'ai fait Oscar Isaac, j'ai fait des super. Ah ouais. En fait, j'ai eu la chance de faire dans des quoi, super. Oscar Isaac. Oscar Isaac dans Lewin Davis. Ah oui, donc tu fais tous les frères Cohen en fait. Ils ont dit j'attends Cohen. Mais bon, vas-y. Non, mais dans les frères Cohen. Si un Cohen character, vous le faites tourner, c'est le réseau juif. Attends, là, il était. Il était quoi? Il était un peu Karl Lagerfeld encore. Ouais. Oui, il était allemand, oui. non, mais j'en ai fait vraiment beaucoup, mais avec une seule personne quasiment. D'accord. Tu vois, tu dois connaître Hervé Kovic. Ouais. Ben voilà, c'est vraiment la seule. Les deux à côté. Évidemment, on l'adore. DV. DV, sacré vivou. et voilà, j'ai bossé qu'avec cette personne quasiment. Et je me suis éclaté. Et il m'a fait faire des trucs déments, quoi. Toi, t'as fait à Bernal. C'est trop bien, ça. Et toi, t'as fait des trucs chambés. T'as fait un dessin animé aussi. Ouais, j'ai fait moi, chez Méchant, j'ai fait le professeur Nefario. Ah, trop bien. Parce qu'en plus, dessin animé, c'est cool, parce que tu peux en faire un peu plus. Le personnage principal, non? Non, le vieux. Le vieux chercheur. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est Steve Carell, la voix originale, c'est stylé. Et non, bah, man, imagine. Quoi? Ça va, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je pose des questions. C'est quel endroit? Ben, renseigne-toi, c'est quoi ton job? C'est ce que je fais, je m'enseigne. Ah ben, enchanté alors. Salut, Adrien. Adrien, Jonathan. Tu fais la voix du mec qui fait le pistolet à prout. Il y a le vieux chercheur. J'ai passé le casting contre des vieux gars, je les ai battus. Mais ce qui est ouf d'ailleurs, c'est quand t'as peut-être croisé des gens qui avaient des voix connues et que tu. Enfin, tu voyais pas qui c'était quoi. Moi, la première fois que je suis allé pisser chez Dubbing, qui est une des plus grosses boîtes de. Bon début d'anecdote. J'ai croisé la voix de Monica. J'ai reconnu qui est, le pipi de la voix de Friends et qui est la voix de Whoopi Goldberg aussi. Oui, bien sûr. C'est très, très étrange. C'est extrêmement stylé. Ouais, surtout que c'est des époques où on écoutait vraiment doublé. Quoi. Bah oui, ils sont incroyables. Ces acteurs parce qu'ils arrivent à véhiculer. Enfin, vraiment, tu. Alors peut-être que c'est une nostalgie de tout ça et qu'on voyait que du feu, mais je les trouve. Pour avoir revu il n'y a pas longtemps Sister Act. Ouais, c'est ouf. Mais c'est dément. En français, c'est dément. Mais toujours aujourd'hui. Patrick Poivet aussi films, dans Bruce Willis. Ouais, arrêtez. Ouais, c'est fou. Je peux dire connard. Ouais, exactement. Ouais. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Retour vers le futur, tu vois, par exemple, c'est un film qui est impossible à voir en VO maintenant pour moi. J'ai eu ça longtemps, mais ça va mieux maintenant avec des Jim Carrey. Moi, les Jim Carrey, j'avais beaucoup de mal à les mater parce que j'ai grandi avec quoi, les Ventura et The Mask. Ouais, en VO. En VO, ouais. Et il m'a fallu du et temps. Mais moi, Friends, j'avoue que j'aime bien aussi en français de temps en temps, quoi. Mais en parce que ça me rappelle des trucs, tu vois. Et en plus, je trouve que c'est toujours. Alors, je regarde plus les films live en doublé, mais les dessins animés, je suis toujours extrêmement impressionné. J'ai vu La Reine des Neiges. C'est ultra quali. J'ai mis beaucoup de temps à voir que c'était Danny Boone qui faisait le bonhomme de neige. Je le trouvais ultra stylé. Ils sont tous méga forts. Franchement, en français, on fait du très bon travail dans les dessins animés. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a écrit nulle part avec la voix de Danny Boone. Et les caries sont pas si ouf que ça. Et pourtant, ils prennent des gros, gros acteurs. Je te jure, c'est pas pour qu'on se la raconte, nous. Ouais. Mais très souvent, ils jouent très droit. Très souvent, ils jouent très droit. Ouais. Ils sont... Hey, like, Game Smart, like, what? Ils sont un truc un peu désincarné, parfois, en dessin animé. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Un petit grain de folie, tu veux dire. Ouais, il y a un petit grain de folie. Il y a une folie, d'ailleurs. Elle fait toutes les voix. Je te dis de... C'est quoi, déjà? Oh non, Liane, toi aussi. Elle chantait quoi, Liane? Je te dis de maudit. Ah oui. Ma au fur et à mesure. Je suis belle et la fou. Et sache que la voix de Nefari en anglais, c'est Russell Brand. Donc c'est quand même assez stylé. C'est assez stylé. Il parlait comme ça. Il est pas du tout vieux. Il était vieux, mais il est... Yeah, I don't think so. Et donc c'est très chelou. Ce qui est ouf aussi, c'est quand t'as les comédiens français qui viennent se doubler. Studio et genre qui arrive Juliette pas. Binoche qui revient faire Juliette pas. Binoche Jean Reno dans Godzilla. Moi il y a des gens moi j'ai vu t'as des mecs qui se sont enfin ils sont dans le film quoi, des mecs hyper connus et tout, putain, et en doublage ils y arrivent mais c'est très très dur. Il y a ceux qui sont il y en a, je pense que c'est relou en fait. Je pense que les comédiens tu leur dis tu vas faire ta version, prends la vache, quel enfer. J'ai un truc le plus relou pour un comédien, peut-être que c'est trop long, non on s'en fout, c'est intéressant pour les gens je pense. Mais le truc le plus relou c'est de faire de la post synchro quand tu tournes un film et que tu dois te refaire le son parce que voilà, il y a eu un bruit de train, une connerie, en tout cas le son est pas propre, que tu dois rejouer, te remettre dans le délire. C'est un enfer pour les comédiens. Alors que pour les Américains, ils sont habitués à ça, ils refont tout le film en post-synchro. Nous, on n'est pas habitués, vu qu'on est un peu... Ils font tout en post-synchro, quoi qu'il ait. Et c'est vrai, mais c'est donc ils sont très forts, mais nous c'est moi je souffre à chaque fois de me remettre dans des. Bah, limite c'est mieux qu'ils fassent tout parce qu'ils arrivent à être dedans, tu vois. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un truc. Alors que là, si tu dois faire une scène, c'est horrible pour toi. Une scène et très souvent c'est des scènes où tu dis elle est top comme ça. Alors c'est les problèmes de son parce qu'on entend une feuille qui tombe un peu plus forte que l'autre et un peu plus forte que l'autre et du coup pour que ce soit vraiment propre, ça serait bien que je la fasse. Oui, mais on entend. Oui, mais c'est pour que ce soit propre. Ouais. Trop non, mais tu vois, des fois je me disais, enfin Marion Cotillard, tu vois, elle, par exemple, quand elle te fait Inception, elle joue avec Christopher Nolan, elle est dirigée de ouf, machin, elle revient, elle doit refaire tout le film en français. À quel moment elle a pris la ligne 12. Je pense que c'est un front populaire. C'est des réals de doublage, il y a des réals, des gens qui jouent avec des réals. Et du coup, je me dis, t'as un peu la pression quand même, tu dis, bon, la meuf l'a vraiment fait en anglais avec le réal du film, à quel moment je lui dis, Marion, peut-être un petit peu plus. Tu lui dis pas, c'est que des trucs techniques. Je pense qu'ils vont pas lui dire comment. Non, non, pas comment jouer en général. Marion, tu baves beaucoup. Écoute, Marion, franchement. Pas que ce soit le rôle, dégraisse, hein, Marion. Dégraisse ton jeu un peu. C'est beaucoup moins en surjeu. Oh, les caisses, Marion, repense à Taxi 2. Refais Taxi 2, s'il te plaît. Vraiment. J'y ai refaire la mort là, dans Batman. Non, c'est vraiment, je vais dire, on va pas en parler. Ça, les gars, je peux vous le dire, c'est terrible ce qu'elle a vécu. Ah non, mais moi, j'en suis persuadé. Et c'est un coup de pute. C'est une erreur de réal, surtout. C'est un coup de pute du réal. Oui, c'est un coup de pute, on est d'accord. C'est un coup de pute. Ça ne peut pas être autre chose qu'un coup de pute. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux en mode qu'est-ce qu'elle lui a fait pour qu'il lui envoie à ce point-là. Mais de vouloir saboter un film pour. Peut-être lui a dit non, je te sucerai pas en fait. Non, mais. Ah ouais, tu vas voir. Il y en a une qui va vachement bien mourir. et c'est fou. Ouais. Non, mais c'est sûr. En fait, en plus, même si c'est pas fait exprès, c'est plus une erreur de réal que de comédien. C'est clairement une erreur. Elle a dû en faire 25 des morts différentes. Vraiment. Et une où elle a reçu un Oscar sur le plateau direct. Enfin, excuse-nous, c'est la meilleure mort. Il y a Julianne Moore qui est venue lui rendre. Bon, en fait, tiens, prends le mien. Prends le mien, c'est magnifique. On est tous là avec un combo. Il y a tout Hollywood derrière. On est sur le cul. Oh, joli. Oui. C'est Julianne Moore. Mais elle est pas morte. Bah I'm ouais. Not dead. Laura, je sais que tu fais aussi des voix un peu radiophoniques. Oui. Donc voilà. Je voulais te proposer juste de lire. J'ai un site que j'aime beaucoup qui s'appelle faitdivers.org. Ouais. J'en ai un petit là. Est-ce que tu pourrais nous le lire juste pour la beauté des oreilles? Mais le lire. Tu lis pas le titre, tu lis l'article. On est radio. On est radio, Pascal Clark. Radio Chouquette. Donc j'aimerais qu'on fasse le silence. On fait le silence. On est radio Loire-Atlantique. Il faut une intention. Alors il faudrait que tu le joues comme une chouette information, plutôt comme si c'était une bonne nouvelle, comme si tout se passait bien. Avec une voix princesse. Voilà, un peu une pub et tout, voilà. Les faits se sont déroulés dimanche à Addington, à l'est d'Édimbourg, en Écosse. Un jeune homme âgé de 22 ans se trouvait à son domicile lorsqu'il a été attaqué par son chien. ce bulldog anglais lui a mordu les parties intimes. Les secours arrivés sur les lieux ont découvert une scène d'horreur. La victime gisait dans une mare de sang et était grièvement blessée au niveau des testicules et du pénis. Le jeune homme a été transporté en urgence à l'hôpital où il a été placé dans le coma. Certains des organes touchés ont été avalés par le chien et ne pourront pas être recousus. Quant à l'animal, il a été maîtrisé et placé provisoirement dans un chenil. C'est extraordinaire. Très joli, très joli. C'est dommage de 18 commentaires, perso, le premier étant le chien se sera-t-il cassé une dent en mordant dans une couille? C'est que ce j'ai vraiment l'idée de le mec commente déjà un article de faitdivers.com en disant oh attends j'en ai une là et dis donc le chien ouais, tu es alors hein. T'es pas un peu pédé le chien Je déconne. Attends. Visiblement, il y a quelqu'un qui a envie de bouffer les couilles. Le mieux, gars, c'est les commentaires. Y a. Ah bah tous. Les commentaires derrière. Là, c'était saucisse et boulettes au menu. Eh, le chien voulait jouer au boule. Eh, boule, dog. Les gars. Eh, à toi aussi. Eh ben, ça va pour faire pipi. Quoi? Non, ça, c'est quelqu'un qui est tombé pendant qu'il faisait le commentaire. Il est non, ça, on ça... Devait... Et là, t'as un vrai truc. On devrait prendre ce chien pour punir les pédophiles. Et les zoophiles. Bah non, du coup. Les zoophiles, ils seraient un petit peu genre. Au début, ils seraient genre. En fait, un zoophile SM, il est OK. Il fait ouais, faites ça. Franchement, punissez-nous comme ça. On en parle des mecs qui aiment se faire exploser les couilles avec des talons quand même. C'est quand même fou. Ah, c'est pas obligé d'en parler. Mais bien sûr que ça existe. Et les mecs qui s'injectent de la solution saline dans les couilles pour avoir des couilles énormes. J'ai vu une vidéo de ça. Quoi? C'est... Putain, attendez. J'ai bien que t'as eu le mot technique de la solution saline. Ah ouais. Mais surtout que c'est pas un objectif d'avoir des grosses couilles. Non, mais parce que c'est un truc, ça fait mal, et c'est un truc sur la douleur et tout ça. Ah, c'est terrible. D'ailleurs, ma douleur de Camille, ça venait de ça. Lâche-moi, j'ai le moi. Ouais, Camille. Jette-moi. Solution saline. Solution saline. C'est horrible. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Oh, mais qu'est-ce que tu chantes bien. En fait, il y a les voix, mais il y a surtout une culture de parole. Il y a quand même. J'adore. T'as quand même toutes les voix, hein, en vrai. N'importe quoi. Non, arrête. Arrête. Disant n'importe quoi, là, changé de 4 fois. Mais n'importe quoi. Tout est jazzy. Mais n'importe quoi, yo bapido de che. Ah, mais tu as fait du jazz aussi. Oui, un peu. Mais oh, j'ai pas envie qu'on en Oui. Joli, je l'ai. Jonathan. Oui. C'est comme ça, Floodcast. On passe d'une sérieuse d'une question à l'autre. Que penses-tu plus largement? Oh putain, il y a la photo qui vient d'être montrée aux gens. Non, mais mec, c'est pas une vraie photo. Est-ce qu'on peut dire le mot à taper sur Google, Adrien? Regarde la. Édouard Balladur. Attendez, attendez. Parce que j'ai fait une version pour la rendre plus supportable. Oh, sympa, sympa, plus mignonne. Pas très radiophonique, mais mignonne. Ah là là, la couille explose. C'est, la c'est la quoi qu'il faut mettre sur Google du coup? Je crois que c'est scrotal injection, je crois. Tu sais qu'il devrait effacer toute photo du Blue Waffle. Moi, c'était la légende urbaine quand j'étais au lycée. Tu tapais Blue Waffle sur Google et c'était une maladie sur, au vagin qui faisait que tu avais l'intérieur du vagin bleu et qui ressort. Ah, c'était immonde. C'était pas ouf. Donc, ouais, une question pour Jonathan. Vas-y, bouge pas trop ton micro, mon bon Joe, parce que du coup, ça s'entend. Je suis saxophoniste et du coup. Tu t'as besoin d'être très près de la Serge le saxo. Ouais. En fait, c'est le générique sans cesse. Juste du saxo, club de jazz. Quand même qu'il a sa Donc Jonathan, quel est ton avis? Et on peut demander un peu à tout le monde autour de la table, mais là c'est intéressant d'avoir l'avis de Jonathan. Plus largement sur la mythomanie. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse de base ou est-ce que c'est le personnage qui a mené à ce thème? Oui. Non, c'est tout. Non, mais après, la mythomanie, mais mec, c'est fascinant. Alors, c'est bon, on m'a proposé ce rôle et il était de fait mytho, donc il n'y a pas eu de questionnement là-dessus. Mais moi, j'ai été un peu mytho quand j'étais jeune, aux alentours de 12. 11-12 ans, même plus petit encore. 18, 19. Non, mais ton histoire de où tu pouvais avoir des K2000 miniatures. Tu peux raconter ça? Tu peux raconter? Ouais, en fait, quand j'étais petit, je disais que mon père, c'est lui qui fabriquait K2000 et qui faisait des K2000 pour les petits. Donc j'avais des bons de commande de mini K2000 que évidemment je ne livrais jamais vu que mon père pour des problèmes de structure des parfums et du coup voilà, mais c'est, j'avais ce besoin de mentir. Un des plus gros mythos, je me suis fait gauler. Mais là, c'est horrible parce que t'es vraiment le mytho. Ah ouais, quand t'es gaulé, c'est l'enfer. Ah, quand t'es gaulé, c'est l'enfer. Très, très dur. J'avais trouvé dans un photomaton une photo, tu sais, c'était les premières fois qu'il y avait photomaton où tu pouvais mettre des trucs, les bisous, les trucs. Enfin, où y tu avait pouvais t'incorporer dans E.T. Exactement. Ouais. Et y avait une meuf, qui avait oublié sa photo avec un bisou comme ça. Ah là là, mec. Et je prends la photo. Attends, c'est gars. Pas Amélie Poulain, ça? Ah, t'es en train de. Et j'ai la bonne idée de marquer. Appelle-moi au 01 nanani nanana bisous, un truc comme ça, tu vois. Et je dis, et regardez ce que il y a une nana qui m'a donné ça, elle est arrivée vers moi, elle m'a dit tiens, c'est pour toi, et du coup, je sais pas quoi faire. Et donc, j'ai dit ça à mes potes. Elle avait quel âge, la nana, sur la photo? Elle faisait plus vieille que WAM, mais c'était honteux, c'était une pédophile si c'était vraiment arrivé. Et du coup, un des potes a noté le numéro, a appelé, évidemment, et rien n'ave. Et du coup, mytho, yeah. Et là, l'enfer. Et j'ai dit, et de ma vie, et je me suis vraiment fait cette promesse, je dis, je ne mentirai plus jamais, sauf pour Canal+. Je m'étais dit, je ne mentirai plus. Ouais. Ça m'a tellement mis en la honte. La honte de ma vie que j'ai dit, j'arrête là les frais. En primaire, je faisais croire que mon oncle, c'était le mec qui jouait dans Crocodile Dundee. Paul Hogan. C'est génial. Vous avez un peu la même tété, je peux comprendre. Et donc, tu sais, mytho nul. Tu sais, vraiment. Ah ouais, bah cool, mais il vient de temps en temps. Non, ouais, il vient d'Australie. Il vient d'Australie. Cool. Ouais, il y avait aussi les petits mythos. Moi, je sais, quand j'étais gamin, je mythonnais tout le temps sur les. sur les films que j'avais vus. Chaque fois que ça fait un film, je l'ai vu. Ah, super. Les gars, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des petites mythos du quotidien. En revanche, la mythomanie, j'ai tout acheté. La vraie mythomanie, c'est affreux. La vraie mythomanie. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait une leucémie. Et elle est allée jusqu'à acheter un appartement près de l'hôpital. Je suis allée la chercher en salle après les traitements et n'a jamais eu de... C'est une trop longue histoire. Si je puis me permettre, je trouve ça moins grave que dire j'ai vu le film. C'est un peu moins grave, mais c'est un peu moins salaud. Ce qui est ouf, c'est que c'est des gens qui pensent, enfin qui ne pensent pas, qui mentent. Quoi. Ouais, il y a des moments où vraiment c'est limite. En fait, limite, c'est un quoi. Grand besoin d'attention et d'amour. C'est terrible. Et c'est une maladie. Quoi. Et tu voulais dire un truc, toi? Non, je disais, je connais aussi une meuf qui a fait ça, qui a dit ouais, j'ai un cancer, un truc au cerveau, machin, etc. Et en fait, pas du tout. Ils vont loin. Moi, elle s'était fait une coupure pour le cathéter. Cutter, pour le cathéter. Bien sûr. Maladie de Crohn, premier guitariste de mon groupe, pareil, des trucs à la clinique. À un moment, il est revenu vraiment bronzé. Pas en 3 semaines, je rentre en clinique, maladie de Crohn. Mec, t'es parti en vacances. En fait, non, mais parce que mes parents, ils m'ont emmené, on est allé à Euro Disney, il faisait beau et tout. Parce que je suis malade. Chaud, mais chaud, plutôt comme ça. Il y a un truc, après, il est revenu avec les mains en sang, il dit voilà, putain, j'ai vu mon ex dans un bar avec un nouveau mec, je l'ai défoncé, et fait putain. Et en fait, l'ex, je lui ai parlé le soir même sur MSN à l'époque, MSN. Ouais. Tu l'as wheezé ou pas? Est-ce qu'elle était partie manger? Ouais. Non, mais surtout, elle était partie manger. J'ai envoyé un cochon dans son. Pas très bien ce soir, elle est partie manger. Venez pas me parler. En statut, tout le monde est venu. Et en fait, je lui parlais. En fait, la meuf, elle était à Lyon, elle n'était pas du tout à Paris. Donc, Et donc, tout c'est un peu. Déjà, on avait des doutes, tu vois, mais tout c'est un peu emboîté. On a fait, ok, bon. Et quand tu les confrontes. C'est dingue ça. Ils disent non, et en fait, ça devient un petit peu violent. Ils sont violents, c'est l'escalade. Après, tu es obligé de nous, elle nous disait qu'il y avait son ex qui était là dans la salle, qu'elle avait croisé son ex à l'hôpital plusieurs fois, tu vois. Ex qu'elle voyait tous les midis quand on était au lycée pendant 3 ans. Ouais. Mais donc ce mec n'a pas existé puisqu'elle n'est jamais allée en chimio en fait. Donc qu'est-ce qu'elle faisait entre midi et 14h tous les midis au lycée, tu vois. L'adversaire. D'accord. Oh, non. Encore un fantôme. Et vous voyez déjà, on l'a fiché. Vous êtes Charles Aznavour? Absolument. Bah là, vous avez perdu la voix sur l'absolument. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le grand-père des Simpsons aussi. Ah oui, donc vraiment, on vieillit. On continue à vieillir après l'amour. C'est génial, ce jeu. Les amis, là, on passe un tout petit peu au moment Doc et Difool. Non, triste, sur vos amis qui disaient, genre, ils avaient des leucémies. Ça me fait plaisir que tu parles de Christian Spitz. C'était pas vrai. De quoi? Bah du doc Ah oui, c'est Christian Spitz, non? Christian Spitz, et le chanteur de mon groupe, c'est le fils de Christian Spitz. Je connais bien le doc Spitz. En début, je disais, c'est un village. Je mentais pas. C'est un village. Frédéric Spitz, d'ailleurs, je pense qu'il est. C'est un village d'Alsace. On est pas loin de l'Alsace. Très probablement, entre Schweighouse et Ungersheim. J'ai quelqu'un qui me dit coucou, j'ai presque 20 ans, je n'ai jamais eu de copain/copine et je suis vierge. Et j'avoue qu'en plus de me peser sur le moral, ça me complexe un peu. Par rapport aux autres, j'essaie de m'en foutre, mais ce n'est pas toujours simple d'avoir l'impression d'être la seule de mon âge sans expérience et qui n'intéresse pas les autres. Je sais que Flo et Adrien sont restés célibes plus longtemps que la moyenne. Oui, ouais, ça va, oui. Avez-vous des conseils à me donner? Eh bien, écoute, patiente. Non, mais oui, c'est dur de donner des conseils parce que, évidemment, à l'époque, moi, ça pesait aussi, évidemment, parce que... Déjà, on peut rassurer, 20 ans, c'est pas non plus... Ça va, 27 ans. Ouais, non, mais c'est vrai, tu peux ne pas... Enfin, 20 ans, tout va bien, il n'y a rien de... Ah ouais, grave, en fait. C'est détente. 20 ans, c'est très bien. Et quand ça arrivera, quand le petit loup sortira de la tanière... T'en fais pas, mon petit loup. Eh bien... Tu nous appelles. Voilà, tu nous appelles et là on pourra te filer des conseils. Mais là pour l'instant, démerde-toi et c'est la vie. Et c'est pas, ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal parce qu'on te laisse pas tomber. Au contraire, on te laisse toi et ta destinée face à face à dîner tous les deux aux chandelles. Voilà, bon appétit. Aux chandelles, non, mais... les chandelles, le restaurant le club à Paris, le club. Le truc, c'est le conseil, c'est de se dire, mais non, mais faut pas se mettre la pression et tout. Mais en fait, le truc, c'est que la pression, elle est dans l'entourage, etc. Juste de te dire que une fois que c'est fait, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Il y a pas une révolution dans le monde. On fait tout un truc. Être en couple, c'est tellement peu jouir. C'est vrai que c'est une femme. Juste. Tu jouis pas de ouf? De ouf, mais c'est pas la question. Non, c'est que les hommes savent pas y faire, c'est ça qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle s'entendait. C'est ça qu'elle veut dire. Non, non, mais oui, voilà, donc il n'y a pas de. Donc masturbe-toi aussi, voilà. Ah ouais, grave. Mais une fois que c'est fait, vraiment. Parce que tu es probablement clitoridienne comme 95%. Et oui, puis ça va développer d'autres talents chez toi, une acuité, un savoir-faire. Pouvoir lire le futur avec tes doigts. Mais c'est sûr. Tu sais, tu peux. Il y a une meuf qui a ouvert une porte spatio-temporelle juste en se branlant plus de 1500 fois. Il y a une faille qui s'est ouverte. Pour une meuf. Et elle est arrivée dans une autre dimension où elle a pécho tous les gars. Et elle ça, a joué à chaque fois. C'est une vraie histoire. Mastule. Attends, mais t'es un mytho. Oh, mais c'est pas vrai, mais ça va me coller à la peau toute ma vie. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Quand ça arrivera, tu feras. Oh, et puis je pense pas que personne s'intéresse à toi, hein, parce que nous, on est en train de s'intéresser à toi. Absolument. Et puis surtout, ça n'empêche pas après de, voilà, d'avoir une vie très cool et tout. Enfin, voilà. C'est vraiment 20 ans, c'est pas tard. C'est, hein. Franchement, le couple n'est pas une finalité. Je jure qu'on en fait tout un pataquès, mais c'est pas ouf. Je jure, c'est pas si ouf. Ouais. Ouais. Et c'est pas grave d'être seul. On s'amuse vachement aussi. Et, ouais, ouais, bien sûr, Jamy, y a pas de souci. On part dans des paradis, voilà, des paradis un peu artificiels. Mais ça va, hein. Quoi, Jamy ? Non, tu pleures, Jamy ? Jamy, tu pleures ? On a plus le droit de taper. Ah, le rire, le pleur le plus énervant. Ça, les gens un qui, peu tendre, qui... tu sais. Non, les pleurs qui. À bout de souffle. Ah, c'est. Ça va? T'as pleuré beaucoup et que t'as. Quand t'es enfant. T'as vraiment la gorge qui est très serrée. Moi j'avais aussi quand j'étais petit, c'était le. Mais parce que je te disais que je pouvais pas. Ouais, c'est moi, ce qui me rend fou, c'est les gens qui pleurent et tu vas pour les consoler, ils te repoussent. Ah, on est d'accord. Et là, j'ai. Attends. Mais va te faire enculer. Oh non, attends. Non, non, mais genre, t'es comme ça. On est sur deux rapports très. Non, mais tu vois comme ça. Et t'es comme ça. Oh, ne bouge pas, ne bouge pas. Waouh. Et je trouve ça fou. Wow. Je trouve ça fou de qu'est-ce qui se manque de pas accepter la consolation. Et de le les autres consolations, tu veux les dire quand j'en ai perdu un concours, leur offre une smart. Voilà. Tu veux dire, par exemple, si c'est au Big Deal et que t'as choisi la sœur alors que la voiture est derrière la mère, tu veux dire ce genre de choses. C'est ça que tu voulais. Je leur dis arrête de pleurer. Je t'offre une smart. Nicolas Sarkozy. Oui. Oh, tu le fais bien. Arrête. Allez, arrêtez de pleurer. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je vous offre une smart. Je vais vous dire quelque chose. C'est un peu mignon. Ça, je vous offre une smart. Mais c'est quoi ça? Ben oui. C'est Nicolas. Ah, oui, je sais pas, Sarkozy. Ça doit être un extrait ben oui. De. C'est Sarkozy. Ça, c'est un autre spectacle. Oui. Monsieur, vous jouez tous les jeudis, je crois. Je te jugais. Il est trop mignon. C'est Sarko mignon. C'est Sarko mignon. Je te jugais. Ça va, t'as fait quoi, Serge Sarko? Alors, peut-être que là, il pourrait être avec Aurélie Grange. Je sais pas s'il y a un imitateur autour de la table. Non, non. Ah, je rencontre, mec. Il y a rien du tout. On arrête là. C'était pas mal pourtant, il fallait continuer. Oh, celui-là, je vais le produire. Serge Sarko. Jérémy, on t'a pas vu beaucoup jouer. Pourtant, je te trouve excellent dans Serge le Mytho. Aura-t-on l'occasion de te voir plus? C'est vrai. Bah, merci. C'est vrai que c'est un bon comédien. Je le redis. Oui, oui. Ça me doute. Non, mais parce que j'ai jamais voulu faire ça. Tu veux pas là tu... Parce que pourquoi t'as joué alors dans ce truc là, dans ce cours? Dans le cours, ouais. En fait, c'est que réponds, bâtard. Ouais, ok. Parce que tu veux pas jouer, mais moi je t'ai vu dans un festival. Moi je veux pas faire d'haltérophilie, j'ai jamais touché une halter de ma vie, tu vois, donc t'as quand même un peu envie. T'as un peu envie. Non, mais sérieusement, le court-métrage, c'est grâce à Serge, parce qu'elle m'a vu dans Serge. Olivia Baume, la réalisatrice, m'a vu dans Serge. Elle m'a dit, je te veux. Et j'ai fait, je suis pas du tout comédien. Elle m'a fait, non, mais je suis sûr que. Donc j'ai fait cette expérience. Et aussi en tant que réalisateur, ça m'intéresse de me mettre un peu dans la peau d'un comédien et savoir ce qu'il subit quand il y a quelqu'un qui te demande un truc et que tu sais pas ce que. Enfin bref, en tout cas, se mettre dans la peau. Ouais, c'est vrai que ça se nourrit les deux. Voilà, ça se nourrit pas mal. Et puis dans Serge, non. Ça se nourrit. Serge, en fait, j'ai toujours fait ce mec-là avec Jojo qui faisait un peu Serge le Mytho dans la vraie vie. Avant que ce soit un programme court, il avait déjà ce personnage-là et j'ai toujours fait ce mec qui essayait un peu de le. Oui, vous faisiez des impros du quotidien. Des impros du quotidien. J'ai toujours fait ce mec qui essayait un peu de le contredire. Vous connaissez depuis longtemps, tous les deux? Dans le micro. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et c'était comment que vous. Enfin, vous êtes. Pardon, c'est pas une émission gratuite. Grâce à Kian, en fait. Ah oui, d'accord. C'est grâce à Kian. Bref. Ok. Mais on s'est rencontrés, en fait, dans une soirée. Et on est tout de suite devenus potes. Et le lendemain, on s'est revus. Et on s'embrassait. Tu m'as un peu branlé. Ouais, c'est ça. Et on a été t'as fait tourner ton pouce sur mon gland. Piano voilà. Saxo. Surtout saxo. Surtout saxo. Et voilà, saxo plus saxo que piano. Voilà. Ah, c'était dans une saxo, la voiture. C'était dans une... plus piano à queue que... Et, non, et en fait, et très très vite, on a eu envie de taffer ensemble. Et on a très vite taffé ensemble. On a tout de suite fait France-Québec, qui était l'idée originale d'une copine à nous, Marie-Ève, enfin d'une copine à moi, Marie-Ève Perron. Et Jérémy l'a détesté visiblement. Ouais, grave, non mais parce qu'il la connaissait pas. Oui oui bien sûr, c'était une blague. J'attends, je me suis permis. Ah c'est ça le mort. Non, fait de temps en temps c'est dans cette émission. C'est ça le mort, ce truc qu'on entendait dont on n'arrive pas à en revenir. Ce truc qui était un truc qu'on pouvait faire ce à une époque. Ce parfum qui a un goût de il revient. Un truc qu'on pouvait faire à l'époque de Thierry Le Lion. Excusez-moi, juste là, on est. Adrien, qu'est-ce que c'est ça, Adrien? Mais Adrien est sur son téléphone quoi, pendant l'émission, là, il faut pas divaguer, le dire. Alors que depuis le début, on est très strict. En plus. Et Adrien qui a écrit sur France Québec. Oui, sur la saison 2. Dès qu'on parle de moi, je reviens. Saison 2, et Adrien, il nous a fait un des meilleurs épisodes de la saison. On s'est tapé des barres. C'est toi qui l'as écrit de A à Z, tu vois, on n'a même pas touché quoi que ce soit. C'était lequel, Loup-Garou, c'est ça? Ouais, ouais. Loup-Garou. Et on s'est tapé des barres et on est tombé voilà, en amitié avec ce petit fou. Ce petit fou. Ce petit fou du net, hein, maintenant. Non, et puis pour je peux t'en prendre un, ça ne dérange pas? Pour finir le truc, non, comédien, je pense pas que je vais... De l'héroïne. Je pense pas que je vais... À part dans le film Serge Le Mytho, s'il y en a... Si, tu es dedans, sûr. Tu es dedans, sûr. Mais dans un autre rôle. Et il y a moi aussi. Ouais. Il y a moi aussi, je crois. Ouais, vous êtes tous à cette table, vous êtes tous dedans déjà. Cool, ça me plaît. Et même les auditeurs, salut vous, vous êtes dedans. Non, mais je suis pas fait pour supporter les preuves horribles des castings et tout. Je pense que je survivrai pas au refus et tout. Gars, bah, je peux dire qu'on s'en est bouffé, nous. T'as bouffé beaucoup de castings. Oh, bah, pas trop, moi. Pas trop encore. Et alors, le chewing-gum dans le micro, c'est top. Comme il y a vachement de trucs sur Internet, ça caste pas trop. Ah, je te jure, moi elle m'a dit, mon agent, c'est horrible, c'est impossible de te mettre sur des castings quand t'as fait des trucs sur internet. Ouais, ça te dégoûte les gens à peu près. Mais déjà, ils sont pas censés savoir. Tout ça parce que sur YouPorn, j'ai une vidéo qui traîne et tout. Mais tu sais, on t'avait dit qu'elle posait problème. On t'avait dit qu'elle posait problème. One Cup. Ouais. Mais, celle-là, ah oui, celle-là, ouais. Ouais, c'est mais, particulier celle-là. Non, moi j'aurais d'ailleurs, on avait une vidéo avec Anna qui s'appelle Flick and Games, mais qu'on voulait vraiment appeler Two Girls, One Cup. Ah bah, c'est bien, c'est très bien. Mais oui, sauf que chez Golden Moustache, on nous a dit que c'était. Ils ont dit non, quelle bande de gros. Et on l'a mis dans la description. Et il y a trop de gens qui l'ont relevé dans les commentaires et je me suis dit mais c'est trop bête, ça aurait été trop marrant. Mais surtout que c'est complètement le titre et tout, enfin ça va complètement avec l'histoire. C'est un très c'est bon bête, titre. Si on avait été à l'époque avec Adrien, on aurait été on l'aurait laissé attends, passer. Attends, tu es le mec de Osons Causer. Salut, c'est Osons Causer. Moi je suis chez amis. Moi, ce que je veux savoir, c'est que pendant qu'on travaille, eh ben Macron il s'en met plein les poches. Ouais, bah ouais. Range vraiment ta bibliothèque. C'est quand même la bibliothèque la moins bien rangée au monde qu'il a le mec derrière lui. Il y a un boomerang mal mis au milieu. C'est vrai qu'il livre. Est énervant quand il parle en fait. Wesh, les amis. C'est la voix de Winnie l'ourson. Parce qu'il faut le savoir. Tu vois, il fait ça. Ouais. Et c'est comme Nicole Ferroni sur France Inter, elle fait vachement ça. T'es. Alors, Macron, t'es. Et au bout d'un moment, c'est en mode gel. C'est quoi le truc pour les asthmatiques là? De la ventoline. Ventoline. Bah, je devrais en mettre. Hein. Serge Lavanteau. Je fais un peu d'asthme, t'as un truc? C'est fait. C'était un talkie-walkie aussi. Et enfin, une dernière question. On demande souvent aux artistes où est-ce qu'ils se voyaient quand ils étaient jeunes, s'ils se voyaient où ils en sont aujourd'hui. Où vous voyez-vous aujourd'hui, maintenant, quand vous aurez 50 ou 60 ans? Wow. Mort, la planète se meurt. Oh. Il est fort. Il est fort, c'est... Il est, Non. Attention, les bruits de bouche. C'est fou, tu ne parles pas devant le micro, mais tu mâches des chewing-gums devant le micro. C'est extraordinaire, Jonathan. Bah oui, pardon, je te mets... Ouais, je te mets mal. Je prends ma pause. C'est giflé avec le micro. Jérémy? Non, bah, j'aimerais bien avoir réalisé quelques films. Oui. Avoir une petite filmo sympa, et puis un peu être producteur, et puis un peu... Un peu niqué. Un peu partager ma vie, un peu ken. Avoir un gosse que je vois un week-end sur deux. Le mec avec la vie moyenne, il continue. Bah, manger des plats préparés de chez Picard. C'est un très beau rêve. C'est un rêve français. Non, mais j'aimerais bien partager ma vie avec Jonathan. Et ben, c'est un grand oui. Faut attendre encore un peu. Tout petit peu de temps, laisse-moi. Je règle ce que j'ai réglé. Je mets tout le monde dans un coffre. Lars von Trier. Laura, toi, tu te vas où quand t'auras 50 ans? Je sais pas. Je me vois Je me vois être élégante, par contre. Ah. Je me vois être une dame qui s'habille, tu sais, avec des, vraiment des tissus beaucoup plus amples. Ah oui. Bon, tu vois, mais qui est exactement une, un peu plus une coupe, que Uniqlo. Un peu plus que Mouji. On passe dans une j'aime phase. Beaucoup cette vision. Et, cours, et j'ai cours. Envie d'être... Non, pas court, jamais. Mais par contre, oui, au-dessus des épaules. Là, oui, ça, là oui. tu vois. Oui. Mais j'ai toujours rêvé d'être une vieille hyper élégante. Mais tu le seras. Tu vois ce que je veux dire ? C'est après t'apporter... le reste, je m'en fous. En fait, moi, je me suis toujours dit que si j'avais été fleuriste, par exemple, j'aurais adoré, tu vois. Ouais. Donc, si je réussis pas ça, vraiment, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère, tout va bien. Je m'en fous. Ok. Tant que je peux gagner un peu, enfin, payer mon loyer. Je oui, c'est toi. Hey. Acheter un appart. Et puis, hein. Et puis, faire après, des enfants, parce que je sais l'avenir, que... pardon, mais avec le Trump, on ne sait pas où ça va. Hein. On ne sait pas où ça va. Je vais te dire que on n'est pas sûr d'aller tous jusqu'à 50 ans. Ah bah, attends, qu'on bouffe et glyphosate et compagnie, je vais te dire que ce qu'ils nous foutent dans l'assiette, mon pote. Alors là, on est malin. Alors, je te le dis, si ça se trouve, on a déjà des cancers du côlon. Elle est partie dans un sketch de Foresti très vite. Ah, salut à tous, c'est Fanny, c'est Billard. Ouais, c'est devenu Billard sur la fin. J'espère une chauve-souris. Ah, attends, ne pars pas sur Billard, parce qu'on est très fan. Tu fais bien. Adrien Méniel. Moi, soit je me serais suicidé, je pense. Yes. Soit. Bah, voilà. C'est drôle et en même temps, sûrement vrai. C'est toujours ça, c'est souvent ça qui est drôle. Quand c'est vrai, c'est drôle. Mais vous l'aurez entendu. Entendu ici en premier. La première fois que t'as entendu sa menace au suicide, c'était sur podcast. Non, ça serait, je pense, un auteur. Mais les auteurs où on dit tu sais qui c'est l'auteur de c'est un humoriste pas ouf. On dit c'est le mec qui était à Golden Moustache, Adrien Méniel, c'est lui son auteur maintenant. Mais c'est voilà, ce sera c'est horrible. T'es horrible parce que tu te vois toujours un peu comme moyen alors que t'es pas du tout moyen. Non mais je fais pas la pêche aux compliments. Mais non, je le dis pas. Je serais chez les nazis, tu ferais partie. Je ferais des stories à 50 ans. Non, je serais le nouveau Thierry Ouvrard. C'est quoi? Est-ce que mais si Thierry Ouvrard. Eh bien, c'est là. Tu serais dans les nazis. Je dis que je vais me suicider, plus personne ne m'écoute. Non, mais si, tel. Je rigole, j'étais avec toi. J'ai l'air d'écrire ta nécro. Non, je pense que je serais peut-être le. Vous voyez qui c'est Thierry Ouvrard ou pas? C'est magnifique. Un gars qui c'est un mec qui faisait des vines avant et maintenant il, fait, il a un compte Instagram. Et c'est un mec qui fait des blagues. Mais il est vraiment les blagues de daron. T'essayes de chercher, c'est ça? Non, non, je l'aurais pas là. Attends, putain, mais moi je peux essayer de retrouver. Non, non, mais bon, attends, on peut googliser au pire. Non, ça se fait pas peut-être de se foutre de ouais, c'est pour ça, je me dis. Mais googler... en gros, il fait des vannes, mais vraiment, je sais pas comment. En fait, il les surjoue beaucoup. Il c'est... les surjoue. Ah ouais, mais dit, c'est des vannes genre quel thème? C'est des blagues un peu de livres de blagues. Ouais, un peu. Un peu. Ah, non, genre les vannes qu'on a lues la dernière fois? Non, un peu sur l'actu. Qu'il les met sur l'actu et tout, mais. C'est pas racontable. C'est lui qui les écrit. Pas de. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'en privé, j'aime bien l'imiter. En fait, je me dis. Là, inventer Jonathan des blagues de lui, mais je me dis, je peux devenir lui, quoi. Mais non, mais le mec, il fait des stories à 50 ans, quoi. Tu vois. Salut, ma commu. Alors, Macron. Tu te rends compte que ça fait 10 minutes que tu utilises, genre, non, mais je peux pas limiter. Tu mais je limite pas, là. Ah, j'ai oui. fait une autre voix. Bah, il, tu le fais il pas, pas mal. Non, il a pas cette voix. Est-ce que tu as conscience que dès que t'es un peu middle sur un sujet, tu fais des mains de jazzy? qu'on pourrait mettre n'importe quelle musique de jazz, ce serait parfait. La La Land. J'ai jamais vu un gars avec. Are you washing or are you drying? C'est de la radio, c'est de la radio. Jazzy malgré lui. Jazzy malgré lui, quoi. Jazzy malgré lui qui est le premier film d'ailleurs. Je suis dessus. Oui. C'est un mec qui déteste le jazz. Putain, je déteste le jazz. C'est vraiment pas une musique que j'aime. Ce matin, il travaille. Il est réincarné en batterie. Ah, je crois que c'est Didier Ouvrard en fait. Et il y a un gars, ouais, un SDF qui faisait de la batterie. Il lui a dit non, je vous donnerai jamais d'argent, je déteste le jazz. Il se réincarne dans la batterie du SDF. Et, il pisse encore dessus. Oh, merde. C'est Didier Ouvrard. Pardon. Est-ce que vous racontez des blagues dans cette radio? Pas tant. Dans cette radio. Vous savez quoi? Ça fait très longtemps que les gens ne racontent plus de blagues. Ah, ah, vas-y, raconte une blague là. T'as une blague genre ambiance, genre c'est deux prêtres et. Non, j'ai une blague. Et je vais la raconter, je m'en fous. C'était vas-y. Désuet aujourd'hui les blagues. Non, mais non, bah vas-y, offre-la nous. Voilà, on a encore un peu de temps. On a le temps, l'émission va se terminer doucement. D'accord. C'est un clochard. Ah, voilà, je l'ai début horrible. Ça commence mal. Non, c'est pas grave, c'est, bah, c'est un clochard. Je m'en fous, j'y vais. De toute façon, c'est flou de cast, c'est flouté. Il n'y a pas de filet. Et donc, c'est un clochard. C'est sur filet cast, il y a énormément de filets. C'est un clochard qui rentre dans un bar. Il rentre dans le bar, il pousse la porte, il voit le barman, il fait « Toi, là toi, donne-moi une bière, je te tape. » Il te fait « Quoi ? Donne-moi une bière, s'il te plaît. » Le mec, il fait « Vas-y, tiens, il lui sert sa bière. » L'autre, le clochard, il lui donne un euro, il fait « Ils sont où tes chiottes ? » Elles sont à gauche, à côté de l'escalier. « Les cahiers. » Il y va, c'est un vrai clodo très relou. Ouais. il va, il ouvre la porte. Attention les propos. Non, non, il est, très relou. Ouais. Il ouvre la porte comme ça, et là, gars, il tombe sur des chiottes en or. Mais des chiottes en or, elle brille. Oh putain, des chiottes en or. Oh putain, je fais dedans. Il y a cut. Le lendemain, il va voir tous ses potes clochards. Eh les gars, je vous dis qu'elles étaient en or. Putain, quand t'es bourré, tu dis que de la merde. Putain, vous me croyez pas. Putain, vous me rendez malade. Putain, on y va. Il amène tous ses potes clodo au bar. Il ouvre la porte comme ça. Et il fait « Toi, là !»« Ouais, quoi ?»« Dis à mes copains que vous avez des chiottes en or. »« Des quoi ?»« Des chiottes en or !» Sam, je crois que j'ai trouvé le connard qui a pissé dans ton saxo. Oh, elle est connaissais. Belle. Elle est très belle. Elle est géniale. Elle est très chouette. Et je me suis saboté la blague en disant pisser alors que c'était chier. Ah, oui. C'était beaucoup plus drôle. Je crois que j'ai trouvé le connard qui a chié dans ton saxo. Tiens, c'est ah, trop mais du drôle. Coup, tu viens de la faire ouais. la chute. Mais tu peux refaire au c'est vrai qu'on raconte plus trop de blagues. Ouais, on raconte plus en fait, blagues. Ce serait bien un et podcast. En fait, je me suis rendu compte. Didier Ouvreur, allez voir. Je me suis rendu compte à Floodcast avec Didier Ouvreur qu'en fait, on racontait plus de blagues. C'est vrai. Ouvreur. C'est Didier qui. Il y a peut-être Ouvreur aussi. S'il vous plaît, je suis payé là. En attendant, je vais vous dire une blague. Non, mais tête de la porte Saint-Martin. Parce en tout que... cas, bah, c'est pas Stan et les Restos du Cœur avec cette blague, Jonathan. Oh, aujourd'hui, vous savez, on n'a plus le droit. Les SDF, ils aiment qu'on ait de l'humour sur eux aussi. Hein. Ils me disent. Et quand est-ce que vous nous venez? Quand est-ce que tu non. racontes des mythos sur nous ou pas? Hey, j'espère que t'en racontes de belles. Non, Joe, il a un truc avec les clodos, c'est que les clodos adorent lui faire des câlins. C'est vrai. Le vraiment ouais, c'est vrai dans les bras. Moi, j'avais un talent, un don, je sais pas si c'est un don, c'est que beaucoup d'âmes perdues, beaucoup de gens dans la rue. Tu pues le réconfort, c'est ça mais que tu veux dire. Mais en fait, ils viennent vers moi et je n'ai pas de problème à tailler la bavette. Ouais. Je peux parler des heures avec les gens. Pas de problème à tailler la bavette, qui est le nom de ta bio, je crois d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ton bouquin où tu racontes un peu ta carrière. Ah, c'est génial. J'ai un couteau et une bavette. Ouais. Et je suis comme ça. T'en et non mais j'ai un truc où en fait je voilà je one man show. Je parle j'ai pas de problème voilà je prête de l'attention à mais vraiment à je me retrouve demande, dans les situations ouais. comme ça et du coup je me retrouve toujours avec des câlins des bisous voilà, bah, on peut dire que aussi des bisous des câlins t'en veux tous les jours ouais. Oui quand t'as besoin d'amour ouais. Alors, Laurie voilà merci ça y est c'est non c'est la chaise ou alors c'est voilà, un fantôme vraiment quelqu'un qui est vraiment rentré c'est un vrai fantôme qui est rentré bon choupé ou pas t'as entendu le bruit là je t'en supplie non, vous êtes rentré par effraction c'était ouvert me fais pas chier bah c'est tout ah, c'est tout t'as l'air de une anecdote t'as pas dit que t'avais des jeux Flaubert j'avais un jeu mais en fait le principe du jeu était l'imitation et on fait que ça depuis 2h30 c'est pas grave on en fait c'était quoi vas-y on en fait un pour voir si c'est génial le jeu est imite ta réponse. Et en fait, c'est un jeu assez rigolo parce que tu dois dire la réponse que c'est en imitant. Et des fois, t'as le nom, mais t'as pas l'imitation. Donc, tu te lances et c'est pas ouf en termes d'imitation. Exemple. J'ai pas compris. Exemple. Il a joué dans cet arrière près de chez vous. Ah. Gamin Ouais. C'est pas vrai, lui. C'est Benoît Poulevard. Voilà, c'est Benoît Poulevard. Ah, tu dois dire c'est Benoît Poulevard. Tu dois dire là en faisant l'imitation. Allez, c'est Benoît Poulevard. C'est génial. Ok, mais du coup, je l'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer un petit peu. C'est dur en fait quand ça n'a pas préparé. Ça serait bien que la réponse soit genre Louis XIV, tu vois. Oui, oh, Louis XIV. Oui, toutes les farfelées. Salut. Ok. Il a chanté Mistral gagnant. Oh non. Il n'y a pas cette syllabe. Toujours très bien. Toujours la belle. Il a joué. Attention, j'en ai un. J'en ai un, attention. Il a joué dans Le Jeu et Indigène. Ah putain. Attends, de quoi il a joué dans le film Le Jeu et le film Indigène. Ouais, c'est dur, putain. Bah, Rojdi. Salut, c'est Rojdi. Ah bah oui, salut. Salut, c'est Rojdi. Tu vas arrêter avec tes conneries. Pas ouf. Ah. Tu dis quoi Chirurgie. C'est ça, putain. Non, c'est pas ça. Tes conneries. Le jeu, c'est quoi? Tu veux dire le grand jeu? Non, ouais, le jeu. Ça s'appelle pas le grand jeu, ça s'appelle Le Jeu, en fait. Ça s'appelle Le Jeu, les trucs avec le téléphone. Oui, c'est ça. The Game avec... The Game de Lars von Trier. Ouais, c'est ça. Ok. Pérennis Béjot est en paille à mon avis. Attention, vous êtes prêts? Oui. C'est le héros de Radio Star. C'est Manu Payet. C'est Manu Payet. Les gars, attendez. Elle est douce, là. On va pas y aller de. Quoi, ce délire, là? Oh, t'es sérieux, quoi? C'est quoi ce dos? Ah, gars, t'exagères de ouf, gars. T'es ouf, quoi. Pétain un câblage. Attention, il fait des vidéos de gaming sur YouTube. Salut, c'est Squeezie. Pardon, Jamy, tu peux faire exactement la voix que tu viens de faire. Salut, c'est Squeezie. Rien à voir. Ça, on dirait un gars du 113. Salut, c'est Squeezie du 113. Oh. On sait c'est qui domine. Non, mais ça, quand t'as la réponse, mais que t'as pas l'imitation, ouais, ouais, bah, c'est tout le sel du jeu. C'est tout le sel. J'ai été incapable d'imiter Squeezie. Bah, en plus, je connais pas sa voix. C'était Georges Alain Jones, encore une fois. Salut, c'est Squeezie. Bon, bienvenue sur ma chaîne de gaming. Bienvenue, alors vous allez vous marrer aujourd'hui. Ah, ça serait marrant de voir. Tu vas faire la voix, mais de. Et alors, c'est un autre jeu, mais que j'ai pas préparé. Ça s'appelle Ton sur Ton. Et t'as deux petits bols. Et tu mets des titres de films dans les deux bols. Et faut jouer une scène d'un film avec le ton d'un autre film, genre Les Tuches chez Olivier Marchal. Mais on l'avait pas fait sur Golden, ça, ce jeu. Bon, ça, c'est sur un live. Non, la drogue, elle a un problème. Attends, c'était ça, quoi? Ça, c'est plus 36 Les Tuches d'Olivier Marchal. Oui, c'est plus... Ouais, c'est, ouais, c'est vrai. Donc tu vas me filer la cam et tu vas quitter cette péniche aussi tôt que tu le peux, hein. C'est l'accent belge. C'est devenu belge, l'accent pas belge. Mais c'est Dani. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Dans... Mais c'est pas du tout, tu n'as jamais vu Les Tuches. Ça t'a... Non, Les Tuches, c'est quoi? Defrid, Defrid, Defrid. Bah quoi, il est basé. Bon allez, mon voisin va me faire un procès. Écoutez, c'est la fin de cette émission, je pense qu'on peut le dire. On continue le jeu quand même. Non, entre nous, on n'est pas obligé de le faire. Il est à fond. J'adore les jeux, putain. On va faire un dernier petit tour. Dernier petit tour de table pour dire un peu l'actu de chacun. Rien. Jérémy Galland, quoi de prévu en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, avec quoi de prévu en ce moment ne veut rien dire. Je caresse un micro. Non, avec Jojo, on... Et avec toi-même aussi. C'est vrai. On écrit une petite série. Non, disons pas plus. Non, disons pas plus. Pas plus, voilà. Vous avez pensé à moi pour une chaîne, voilà. Pour 12 rôles. Et si tu l'as joué, je ne le dirai pas. Et on a notre projet de long métrage aussi avec Jonathan. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est l'écriture. Qui s'appelle Jojé Long Métrage. Jojé Le Long. Le Long. Deux points, Le Long. Alain Le Long. Trouvez, faites ça une fois. Je vais vous trouver des actrices, des noms d'acteurs connus. Si c'était leur le poids, putain. Oh là là, on est une fatigue. Alain Le Long, il y a une fatigue. Gérard Depardieu. Faut arrêter cette émission. Non, faut arrêter cette émission. Écoute, on est fatigué. Carole Boucaquet. On a parlé 2h30. 2h10. Mais il y a une fatigue, il y a eu beaucoup d'imitations et ça flingue un peu le cerveau. Je suis désolée. Laura, quelle est ton actualité? Mon actu, c'est les réseaux sociaux actuellement. Ouais. Donc, Laura_Felpin. Ouais, j'ai eu plein de messages en dire que. Alors, je dis pas souvent les compliments. T'as beaucoup d'abonnés? Bah, pas moins de 6000. J'ai pas du tout d'abonnés, mais c'est pas grave. Moi, ça me rend heureuse. Non, mais quelqu'un m'a dit que tes stories étaient très marrantes. Voilà, dans le public. Merci. Voilà, je te le dis. C'est trop cool. Je te le dis, il y a des compliments. Je fais pas une phrase compliment, mais il y a plein de gens qui disent des compliments. Et ben, moi, à chacun. J'ai beaucoup posté grâce à Instagram en vrai. Hein. Ouais. Franchement. Et tu continues des sketchs à Golden? T'as des trucs alors, de prévu? Alors, on est en train d'écrire un sketch avec Anna, mais comme les productions là, tu sais, de sketchs sont un peu moins régulières, c'est un peu plus long. Ok. Et j'écris mon premier spectacle avec quelqu'un et je joue. Je fais pas mal de scènes ouvertes là. Trop bien. C'est trop bien. On peut se retrouver sur des péniches, c'est ça? Bah là, bientôt, Jamel Comedy Club, vite fait. Ah, cool. Et au République avec Yacine Bellous, la première fois. Cool. Ah, super. Venez, très cool, bisous, première Yacine. Fois. Ouais, j'adore Yacine. Bon projet. Yacine, à qui on pense très fort, qui va bientôt se faire un gros détartrage des dents et qui a peur. Ah ouais, ouais. Ah bon, c'est vraiment le truc le moins effrayant comparé il va se couper les ongles demain, donc non, c'est pas un détartrage, c'est un autre truc, mais en tout cas voilà. Je pense à Yacine, c'est une opération d'une tumeur. Et d'ailleurs qu'avec Dedo on fait un crowdfunding pour les chaussettes là. Oui, il reste 5 jours, je crois. Non, 10 jours. Peut-être le temps qu'on mette le truc en ligne sera du coup fini. Donc, si jamais c'est encore là, n'hésitez pas à donner de l'argent. Si vous l'avez il y a fait, 5 jours, c'est peut-être bon, possible. C'est peut-être possible. Ouais. Jonathan Cohen Les écritures avec GG. Il y a des films qui sortent dans pas longtemps. Oui, il y a des films qui vont sortir dans pas longtemps. Il y en a un qui s'appelle Amanda, qui est de Michael Hers, qui est pour un film assez noir. Pas comédie? C'est ton ciao pantin? C'est mon ciao patine. Parce que je parle italien dedans. Parle bien dans le ciao micro. Patine. Ciao patine. Mâche bien dans le micro. Mâche pas trop. Non, et pas dans le micro. C'est un très, très, très, très, très beau film avec Vincent Lacoste. On a dit beaucoup de bien. Lacoste. Il a été diffusé en avant-première dans un festoche, là. Et j'ai un pote qui m'a dit que c'était super. Mais voilà, c'est un film très fort. Ouais. Et donc il y a ça. Après, il y a un film avec Camille Chamou, réalisé par Patrick Cassir, qui est son compagnon. Alors, c'est pas le même ton, j'imagine. Non, bah, imagine. Eh bah, ben, figure-toi que eh bah, tu. Eh ben, bah, tu vas pas être déçu, il y a un mort. Et un mort de. Non, je veux pas. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un film. C'est un super beau film. Le ton, en fait, il y a un ton comédie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est très réaliste. On se marre. Et en même temps, on se marre. C'est très indé et en même temps assez populaire. Et c'est, franchement, c'est un peu le genre de truc que je rêverais moi d'écrire. Enfin, le film a plein de défauts, on va pas se mentir. Bah, va écrire tout seul. Alors, mais en même temps, des trucs différents. Eh ben quoi, tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est maintenant qu'on le fait. C'est maintenant qu'on se dit au revoir. Eh ben, on se dit au revoir devant des milliers de gens. Non, mais voilà, c'est un ton de comédie que j'aime beaucoup. D'accord. Bah super. Et il y a autre chose, bon, il y en a un petit autre. Non, mais voilà, ça écrit. Bah, Tostos au Monk, je fais. J'ai un food truck devant Tostos. Gueule contre les travaux à Paris. Ah là là, mes coups de gueule. Des coups de gueule de Jojo. En story. En vrai coup de gueule. Non. Juste non. Stop. Arrêtez les conneries. Voilà. Et ça écrit le film Serge Lhomito. Ça écrit le film Serge Lhomito. Voilà, voilà. Avec pas Jérémy. Waouh. Wow. Mais avec Jonathan Rhys-Meyer. Mais je serais dedans quand même. Adrien Méniel. Oh. Non, mais si, le petit sketch show. Je suis Guy Jamais. Mon petit gars, tu vois. T'as eu mal la vie, il m'a pas fait de cadeau. je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas vu le film, je crois, parce que voilà. J'aime bien inventer. Le film est super. En fait, Adrien a une maladie et c'est toujours moi. Il se fout de la gueule de film. Et je fais, oh putain, je l'ai vu, c'est super. Je me fous pas de la gueule. J'ai rien vu. Tu vas faire quoi là? Non, rien, rien. C'est pour ça que je meuble, parce que j'ai aucune actu. Il joue dans Qui Jamais 2. Quoi? Tu fais quoi ces derniers temps là? Là, j'étais directeur artistique d'un sketch show pour Golden Moon. Studio Bagel. Ouais. Bah, c'est fini demain, quoi. Demain, là, on valide le mix et l'étalot demain. Voilà, donc c'est pas rien, et c'est quand même 26 minutes de sketch. C'est 31 minutes de, 31 minutes de sketch. Sketch. J'ai écrit une bonne partie, je joue dedans, j'ai réalisé. Bah voilà, le mec, il dit, il fait rien. Qu'est-ce qu'il est? Moi, j'ai des stories Instagram, mon pote, ça, c'est de l'actu. Ça va être donné aux cochons sur internet. Et puis ils vont dire que c'est de la merde et voilà. Non, écoute, c'est la merde, pas, de toute façon c'est la même chose. Ben, je te propose devant tout le monde un emploi. Voilà, si tu le veux bien. C'est un genre de Macron avec 60 société ans. Et moi-même, nous ne proposons pendant une période déterminée de travailler au sein de l'Institut National de Jeanblin et Jeanblin. Tu serais engagé en tant qu'auteur à part égale. Tu es, voilà, travailler sur tous les projets de Jeanblin et Jeanblin. De Jeanblin et Jeanblin. Je sais plus comment. Est-ce que ce faire. Serait pas Serge L'Impro? qui font c'est que... Serge L'Impro. Mais attends, là, c'est écrit ou pas? Ah non, c'est de l'impro. J'en peux plus, ce jeu. Moi, j'adore. Voilà, bon, écoutez, merci beaucoup. C'était un podcast très brouillon. Souvent, c'est les meilleurs. Donc, j'espère que ça vous a plu. Serge L'Outro. Ah bah non, voilà, c'est après le générique. Serge Doutreau. Moi, c'est trop bien. Le procès Doutreau. Ça, j'ai pas touché le gamin. Hein. Oui, bah, vous allez en taule. Hein. Serge De Niro. Serge De Niro. Toujours la voix de Jean Jones. Je n'ai pas touché cet enfant. Touché le gamin. Talking to me. On Serge peut pas Niro. Terminer la piste. Serge De Niro. Serge De Niro. Serge De Niro. Serge Pacino. J'ai jamais rencontré. Ah non, c'est Vincent Cassel. J'ai jamais rencontré un truc. J'étais la dernière fois dans un bar. Et Johnny, il y a un fond de Johnny. Ouais. Johnny, pardon, si quelqu'un à la fin de ce podcast a réussi à déterminer le nombre d'imitations différentes qu'il y a eu, je lui offre un gars. Un gars de son choix. Un des gars. Ouais, okay. Voilà. Bah, bon, je vous fais des bisous. Bisous, merci, bisous les gars. Bisous, bisous. Bisous, ciao. Les bisous, c'est trop bien. À très vite. Hein. With a magic in his eyes, checking every girl inside, feeling in the bed. And he's the man on the disco playing sexy motherfucking baby. And he's the king while I'm the rhythm of ragatanga. In the tanda, in the dente, in the tanda. Georges Alain revisite la SketchUp. C'est pas tellement votre truc, la SketchUp. Hein. Je ne vais pas dire, mais c'est long. Bien tenté quand même. Non, pas trop, non.